Le plus, Seigneur a toujours appelé dans la marche de la sanctification. Faut d'examiner, d'épurer, de regarder en profondeur pour homme intérieur, particulièrement le cœur. Faut de renoncer davantage à ces choses qui nous amènent à l'irriter, qui nous amènent à se détourner, à être réveillé à sa parole. Afin qu'il puisse nous accorder la grâce de toujours être purifié devant sa présence, afin d'être totalement soumis à sa volonté. Et pour ça, le Seigneur a donné plusieurs messages qui concourent à la sanctification. Mais nous savons, nous tous, que nous vivons en temps où la Bible dira que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, la promesse. La pureté du cœur, ceux-là, ils verront le ciel de gloire. Nous savons que nous vivons tant que sa venue est si proche que nous le pensons. Avec, lorsque nous examinons la poussée biblique, on voit vraiment que tout est accompli. Et il manque seulement que l'Église soit prête pour être en vie. Pour cela, nous avons besoin d'être épurés, sanctifiés, afin que la promesse descende. C'est pas ça, bien-aimé. Oui, bien-aimé. L'œuvre de la sanctification, c'est capital à notre heure, à notre temps. Et particulièrement individuellement. Alléluia. Oui, béni. Marchons davantage dans la persévérance, dans la tentation, pour que le Seigneur fasse son œuvre en nous. Amen. Amen. Oui, je vais passer la croix. Bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est la place des hommes et la place des femmes ici. Bon, n'avez pas attendu. Bon, quand vous entrez, subitement, vous allez de l'autre côté. Hein, c'est l'habitude comment? Vous avez pris cette habitude là où? Vous sortez de là où on dit que les femmes s'asseyent ici, les hommes s'asseyent ici. Bon, il faut qu'on vous mélange maintenant. C'est ça non ma soeur? Frère, viens. Tu sais, c'est bien. Viens t'asseoir ici à côté. Voilà. Écoutez, vous racontez une histoire. On dit que quand vous entrez dans l'église, il faut que les femmes soient des côtés et les hommes soient d'un côté. On dit qu'on, pourquoi? Ils disent qu'on fait comme ça pour éviter l'impurité. C'est là-dedans que l'impurité se passe. Quand ils sont ensemble dehors, tu es là. Hein? Chacun doit maîtriser sa chair. Vous savez, vous ne maîtrisez pas, c'est l'enfer qui va maîtriser. Donc sentez-vous à l'aise. Bonsoir. Y a-t-il des questions? Je ne pense pas qu'il y a des questions ici. Voilà toutes les questions qui sont ici, on a déjà répondu cela. Oula, pardon. Ici, on a répondu. Celle-là, on a répondu. Je crois que c'est celle-ci que nous avions épiloguée. Je vais éplucher la dernière fois. Y a-t-il des questions? Si le Saint-Esprit veut bien nous donner. Souvenez-vous de prier pour votre pays. Je ne sais pas où le camion militaire va. Ça, c'est une autre mission ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais faudra prier. Priez aussi pour. Je ne sais pas si celui-ci c'est un ancien ou c'est un nouveau. Ça, c'est un sportif. C'est tout ce qu'il peut dire. Prions seulement pour le salut de son âme. D'accord, frère? Et priez aussi pour les frères dans le monde entier parce qu'ils souffrent. Ils prient pour vous. Ils attendent à ce que vous priez également pour eux. Donc, priez. À la sortie d'ici, à la fin de l'enseignement, on va prier pour les frères dans le monde entier. Ils comptent sur votre prière. Donc, on va prier pour eux, d'accord, frères bien-aimés. Nous sommes bénis ici. Ils souhaiteraient être avec nous ici. Mais ils ne peuvent pas être, parce que chacun a son endroit. D'accord? Bon, des questions? S'il n'y a pas de questions, moi, je vous en pose. Oui, frère. Je voulais comprendre un pied chapitre 1 je vais lire et poser la question. Un Dieu chapitre 1, verset 2 dit, et qu'ils sont élus selon la préscience. La préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Oui. Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang. Du sang. Je me comprends, quand il dit à l'aspersion du sang, quand il dit à l'aspersion du sang, je me comprends. Vraiment, hein? Tu es un ancien bamiléké, n'est-ce pas? Donc quand tu as dans l'expression de sang, ça dit qu'on parle partout, on verse le sang. Quand on dit que quelqu'un est témoin, il est témoin de quoi? il pas dit qu'il est témoin comment. Il dit qu'il est témoin de quoi. Je parle de, en ce qui concerne le Nouveau Testament. D'accord. Quand on dit quelqu'un est témoin, il est témoin de quoi. On dit dans ce verset 2 du chapitre 1 de 1 Pierre qu'il nous a élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit afin que nous soyons, nous participions à l'aspersion, nous participions à l'aspersion du sang. Donc la question c'est comment est-ce qu'on est témoin? Quand on dit qu'on est témoin, on est témoin de quoi? Hein mon frère? Non, je dis en ce qui concerne le Nouveau Testament. On est témoin de quoi? On est témoin? Ok, quand tu témoins de Jésus, qu'est-ce que tu dis de lui? Témoigner, ça veut dire que parler en sa faveur. C'est ça, non? Ou bien tu en sa défaveur. Alors, quand tu parles en faveur du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on dit de lui au juste? Qu'il est venu? Donc en réalité, tout tourne autour de son sacrifice. Donc tu ne peux pas témoigner de Jésus-Christ sans parler du sang qu'il a versé. C'est comme ça qu'on participe à l'aspersion du sang. C'est ça que je voulais te faire comprendre, d'accord? Qu'à chaque fois que tu vas parler du Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas parler de lui. Tu parles de lui en vertu de quoi? En vertu qu'il est venu dans la chair, verser son sang pour le salut. C'est ça dont il est question. Chaque fois que tu vas parler ainsi, tu es en train de participer à l'aspersion du sang. Maintenant, lis le verset 3. Béni soit Dieu, oui. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mm-hmm. qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Tu peux lire fort, frère. Tu peux lire fort. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il vient, celui qui a décrit vient de participer maintenant à l'aspersion du sang, par exemple. Par la résurrection de Christ d'entre les morts. Il a dit de parler du fait que Dieu nous a donné ces choses-là au travers de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Or, pour qu'il ressuscite, il faut que... Voilà. Des questions, frère? Oui. Je veux savoir premièrement s'il y a une différence entre celui qui a reçu le Saint-Esprit et celui qui a pris part, au Saint-Esprit. Pris part, ça veut dire quoi? Participer, c'est-à-dire quoi? Que vous le voulez ou pas, il n'y a pas d'être humain sur la terre qui n'a pas participé au Saint-Esprit. Tous ont participé au Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que tu veux entendre, papa? Il dit bien, il n'y a pas d'être humain sur la terre qui n'ait pas participé au Saint-Esprit. Tous, sans exception. Même toi, tu as participé. Mais tous n'ont pas reçu le Saint-Esprit. D'accord? C'est quoi quand la Bible parle d'avoir pardon? Dans Hébreux chapitre 6, verset 4, il parle de quoi? Bien, pose ta question. Et deuxièmement, savoir également s'il y a une différence entre le salut de l'âme, le salut du corps et de l'esprit. Ah, vous allez me tuer sur la tête ici, là, ou non? C'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Tu vois, ça coince, n'est-ce pas, frère? Ouvrons le livre de Romains. Il dit qu'il veut savoir s'il y a la différence entre le salut du corps, le salut de l'âme, le salut de l'esprit. Il ne sait pas où on va discuter. Peut-être l'un c'est pour le Dieu le Père, l'autre c'est pour Dieu le Fils, et le troisième c'est pour Dieu le Saint-Esprit. Le Seigneur qui est venu accorder le salut du quoi, du corps. Vous allez me finir sur la terre, Romains. Notez d'abord le chapitre 1 de Romains, verset 18. Jusqu'au dernier. On va y aller. Dans le chapitre 1, verset 18 à au verset 32. Puis notez aussi tout le chapitre 2. Je crois Dieu voulant, on va y revenir là. Chapitre 8 maintenant. Verset 1 et suivant. Allons-y. Chapitre 8 de Romains, verset 1 et suivant. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Bon, arrêtons-nous là-bas. Il est où la personne qui a posé la question? Pendant qu'on a dit qu'elle te suive, n'est-ce pas? Le péché, on a envoyé le Seigneur Jésus hériter quel style? C'est en quoi il a pris le péché avec l'âme ou avec l'esprit, son esprit ou avec son corps? Ok. Donc avec quoi il a cloué, il a détruit le péché? Avec quoi toi tu hérites le salut? C'est dans Romains chapitre 8, on en revoit cela. On dit que chose impossible à la loi, car qu'est-ce qui la rendait impossible? Alors, continuons. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, ouais, qui marchons, non seulement selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Oui. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oui. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Stoppons là-bas. Donc quand le Seigneur a fait l'œuvre à la croix, c'est de le but, c'est que la justice de Dieu puisse s'accomplir en nous, justice de la loi. La justice de la loi puisse être accomplie en nous qui croyons en lui, n'est-ce pas? Alors, avec quelle partie de notre être on respecte les lois de Dieu? Hein? Hein? Quand tu ne forniques pas, c'est en esprit que tu ne forniques pas. C'est par quoi? Quand tu aimes, c'est par la chair que tu aimes. C'est par quoi? Non, mais je croyais peut-être que c'est par l'esprit. On aime quoi? L'amour là, ça habite où? Quand tu dis que tu aimes, hey, Seigneur, je t'aime, ça tu fais comme ça là. L'amour là, ça habite où? Ça a quelle forme? Et il dit votre amour à vous, ça habite où? Hein, mon frère bien-aimé? Dans le cœur. Donc, si on enlève le cœur de quelqu'un, on transplante une du cœur, la personne va commencer à aimer les personnes que celui-là aimait. Si on fait les transplantations de cœur pour quelqu'un qui en est de décédé, on enlève son cœur, on met dans le cœur de l'autre personne. Quand la personne se lève de son lit, donc les personnes que celle-là aimait, c'est maintenant ces personnes qui va commencer à aimer. Oui. Répondez-moi, non? Vous dites que l'amour habite dans le cœur, non? Toutes les personnes que j'aime, on transplante mon cœur, on met à ses frères, il va désormais commencer à aimer les personnes-là. C'est ça? L'amour, c'est dans l'esprit. Ok. Vous êtes dans le livre des Romains, n'est-ce pas? C'est le Romain ici. Rentrez tous un livre avant, le dernier chapitre du livre qui est avant le livre de Romains. Vous y êtes? C'est quel livre? Actes des Apôtres. Donc, j'ai dit le dernier chapitre de ce livre-là. Vous y êtes? Regardez le verset 28. Le verset 28 donc, de ce livre. Je ne sais pas t'en étudier. Hein? Allons-y. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Donc les païens vont écouter quoi? Le salut. On parle de quoi? L'apôtre Paul parle de quoi ici? Parce qu'il a discuté avec les juifs là pendant depuis le matin jusqu'à 16h. Et les juifs sont rentrés discutant entre eux. D'autres disaient que non, d'autres disaient d'une façon comme ça se passe toujours. Puis il dit que ce salut donc a été envoyé aux païens. Et puis il dit qu'ils feront quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle ici par salut? Donc ici, dans le salut dans la Bible peut symboliser la prédication de la croix. Vous voyez l'histoire? Je crois que c'est ici que j'avais dit la dernière fois que faites attention lorsque vous voyez les appellations dans la Bible. L'âme, quand l'âme arrive n'importe où, ça ne veut pas dire la même chose. Quand l'esprit est n'importe où, ça ne veut pas dire la même chose. Il y a un moment donné où l'esprit dans la Bible veut dire le souffle. Alors qu'à un moment donné, l'esprit veut dire l'être là. Cette partie de notre être là. D'accord? Notre corps spirituel. On a également parlé de salut, de ce mot salut ici, n'est-ce pas? Alors lorsque tu poses la question, le salut du corps, le salut de l'âme, le salut de l'esprit, le salut donc c'est quoi donc? Le salut de quelle partie a péché et quelle partie est rachetée? Donc ça veut dire que si j'ai le corps, j'ai l'âme, j'ai l'esprit, alors si j'ai le salut de mon âme, est-ce que mon corps, mon esprit, c'est pas sauvé alors? Tu vois le problème, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, l'un est le produit de l'autre. L'autre produit et renvoie sur l'autre. On dit, par exemple, les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça ne fait pas la guerre à la chair, c'est à l'âme. Mais le vrai problème, c'est que le résultat se trouve sur ton corps. Vous suivez, n'est-ce pas? Comme on a lu la dernière fois dans le livre des Jean, chapitre 1, verset 10 à 13, là, où il a dit que quelqu'un, lorsqu'il est tenté, il dit que c'est Dieu qui le tente, car Dieu ne peut pas tenter quelqu'un, n'est-ce pas? Chacun a tenté lorsqu'il est amorcé, attiré, amorcé par sa propre. La convoitise, ça habite au frère. Il y a la convoitise maintenant dans la chair, il y a la convoitise dans l'âme. Vous voyez? Et alors maintenant, la convoitise de la chair, il y a l'orgueil de la vue. Quand j'ai vu, j'ai pris. Alors, ça veut dire que les deux connectés communiquent entre l'âme et la chair. De telle enceinte que les désirs de ton âme, ou bien les envies de ton âme sont communiquées sur ta chair pour te pousser au péché à l'extérieur. D'accord? Alors, le Seigneur Jésus-Christ est donc venu sanctifier tout cela. Lorsque l'eau sort, vous avez une fissure dans une maison où l'eau est en train de couler. L'eau est en train de couler, ça roule au sol jusqu'à un niveau donné. Vous vous attelez à essuyer l'eau qui est au sol, vous ne faites pas le que vous souffrez, pas vrai? Vous me suivez? C'est-à-dire que vous avez, si vous, ou bien passez dans une route où il y a un tuyau qui est cassé, vous prenez la terre, vous mettez là-bas, vous prenez le ciment, vous mettez là, vous perdez votre temps, pas vrai? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire boucher le trou. Alors, si donc nous pêchons à l'extérieur et que la cause. La source qui cause problème se trouve à l'intérieur. C'est ce problème que le Seigneur Jésus a résolu. C'est ce que Romains chapitre 8 nous disait. Dans ce Romains chapitre 8 verset 1, il dit qu'il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair, mais d'après l'esprit. Vous suivez, n'est-ce pas? Dans au chapitre 7 qui précède ce chapitre 8 là, il dit que je prends plaisir selon la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Donc quand le problème est résolu à l'intérieur, l'extérieur être tranquille. Vous me suivez? C'est donc pour cela que je vous avais dit plusieurs fois ici. Je vous ai dit plusieurs fois que si vous fumiez ou bien vous étiez un alcoolique et que quelqu'un à côté de toi, il boit, tu vas avoir la salive, c'est pas bien. Hein? L'alcool n'est pas bien. Tu as bu avec lui. Vous me suivez? Tu as bu avec lui parce que le désir de ton âme souhaiterait boire. Mais comme il y a quelque chose dans tes pensées qui dit que tu es chrétien, tu es martelé selon la loi en disant que non, je suis chrétien, je ne le fais pas. C'est parce que je suis chrétien que je ne le fais pas. Ça veut dire que dans un cadre où on ne sait pas si tu es chrétien, tu vas boire. En arrivant au village, que tu es le plus grand des soldats du village. Il faut éviter cela. Alors maintenant, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui désire cette chose-là qui est à l'extérieur. Et on essaie de comprimer. Lorsqu'on comprime ces choses-là, c'est mauvais. Là, vous arrivez maintenant à un moment donné, là où quelqu'un ne se trouve pas, ou qui vous connaît. Vous guettez comme ça. Vous guettez. Après, vous prenez, en faisant comme ça, quelqu'un dit, frère. Tu dis non, il partait comme ça acheter la vie à quelqu'un. Alors que c'était toi qui buvais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quelque chose se trouve à l'intérieur. C'est ça que je t'en ai dit pour les chrétiens. Que les chrétiens doivent être délivrés. Quand vous entendez, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous a franchi, vous connaîtrez la vérité. Si vous rencontrez Jésus-Christ de la bonne façon, il vous délivre de la puissance du péché. Vous suivez? Dans ce Romains, dans ce Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Lorsqu'il a dit ces choses, les Juifs ont dit que nous ne fûmes point esclaves de personne. Comment dis-tu que nous serons libres? Il dit qu'en réalité, le fils, l'esclave ne demeure jamais dans la maison, pas toujours dans la maison, le fils y demeure. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement, réellement libre. Il parle de quoi? Du péché, pas vrai? Donc il est venu affranchir du péché. Il vient affranchir du péché. Les esclaves ne demeurent pas bien, les esclaves, les serviteurs, tous les serviteurs qui sont venus, écoutez très attentivement. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Hébreux chapitre 1 dit que, après avoir à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Vous voyez? Donc quand il dit dans ces Romains chapitre, dans ces Jean chapitre 8, il dit que le Fils ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Donc tous les enseignements des serviteurs qui sont venus ne pouvaient pas vous affranchir. C'est ce que le Seigneur a dit dans ces Romains, dans ces Jean chapitre 8. Le fils y demeure toujours. Donc c'est au fils. En fait, les esclaves parlaient du fils qui devait affranchir. Pourquoi c'est Romains chapitre 8 là, je ne fais que revenir. Alors, Jean chapitre 8 dit, si le fils vous affranchit, puis il a initialement parlé des esclaves. Que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, n'est-ce pas? Le fils est humain. Vous lisez, vous ne comprenez pas. Vous dites, qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'il en est de parler? C'est parce qu'il sait que exactement que ceux qui sont devant lui croient aux prophètes qui sont avant. Vous suivez, n'est-ce pas? Il croit aux prophètes qui sont avant. Il croit à Moïse, à Esaïe, autres là-bas. Esaïe n'a jamais dit quelque part qu'en croyant dans son livre, on a le pardon de ses péchés. Il n'y a nulle part comme ça écrit. Tous indiquaient à quelqu'un. Pas vrai? Et alors, le fils donc étant venu, il dit, c'est celui qui demeure. Si donc le fils donc vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, un problème se trouve dans la vie des êtres humains, c'est le problème du péché. Quand cet esprit-là est enlevé de notre vie, alors tu ne luttes plus pour ne pas pécher. Tu regardes exactement comme si vous regardiez le mur. C'est ça le problème. Quelque chose que tu faisais, tu regardes, tu ne peux plus faire. C'est-à-dire que le désir ou bien le plaisir de ces choses a disparu à l'intérieur. Si c'est à cet instant-ci là, si cette chose-là ne se trouve plus en toi, que quand tu regardes, supposons que pour quelqu'un qui fumait, s'il regarde quelqu'un fumer, il n'a pas les choses à l'intérieur que je désire fumer avant qu'une pensée vienne que non, tu es chrétien, tu ne dois plus fumer. Alors, si cette personne n'a pas cette intention, il est délivré de la cigarette. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, il a été affranchi de cela. C'est ainsi donc pour tous nos manquements. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Donc, il est venu nous sauver. Point. Nous délivrer de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Il ne te délivre pas dans l'âme, il est ton esprit, ton corps à l'intérieur. C'est donc pour cela que l'œuvre de la sanctification se trouve là. C'est-à-dire que le signe que nous sommes sanctifiés, que nous appartenons à Jésus, c'est l'extériorisation de sa vie. Alors tu ne peux pas dire que le salut de son âme, on a eu le salut de l'âme, mais maintenant il manque le salut du corps. Parce qu'il vient pour racheter que nous lui appartenons. Quand tu vas épouser une femme, la femme, quelle est la partie de la femme qui t'appartient? Quand vous dites qu'il m'avait demandé sa main, là, vous demandez la main de la femme. Donc ça veut dire qu'il vient avec sa main, il dit qu'il va demander ma main pour la faire laver les habits chaque jour. Que sa main lave les habits. Donc alors, ça veut dire que c'est toute la personne que nous avons prise avec nous, pas vrai? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Mais c'est pas croyable. Vous êtes mort seulement ou il y a la morgue? Alors, autre question, avant qu'on aille ici à l'intérieur. Si j'ouvre la Bible, je commence à parler, ne posez plus de questions, même si ça vous vient à l'esprit. Donc, réfléchissez pour poser toutes vos questions maintenant. À moins que le Seigneur veuille nous conduire autrement. Réfléchissez pour poser des questions. Si le Seigneur peut bien nous donner un sujet ce soir. Ouais. Il y a 1 Jean chapitre 5, verset 6. Je comprends pas bien. Attends les questions, frère. Y a-t-il des questions? Oui, frère. Alors, il y a une partie là que vous avez dit. Si l'esclave ne demeure pas dans la maison, oui. Mais le fils de l'homme. Le fils demeure. Demeure. Oui. Donc, c'est à ce niveau-là. Quand on dit l'esclave, c'est des serviteurs. L'esclave, c'est du serviteur. Quand tu entends esclave, ce n'est pas la personne qui travaille comme eux, c'est le serviteur. Le serviteur. Ce sont donc, les serviteurs de Dieu. Comme peut-être vous pouvez. Donc, comme toi, par exemple, tu peux être serviteur aussi. Mm-hmm. Bon, quand il dit c'est lui, bon, il veut dire, bon, peut-être le leader, c'est lui qui est du leader. Non, allez, bonne arrivée. Bonne arrivée. Merci. Oui, il ne s'agit pas des leaders. Le Seigneur Jésus-Christ, dans ses passages de Jean, chapitre 8, est en train de parler des serviteurs que Dieu a envoyés avant lui. D'accord? Ok. Ah, ok, ceux qui ont envoyé avant. Voilà, avant que lui ne vienne sur la terre. C'est ça? Bon, ouvrons cela. Ouvrons alors le livre dont je viens de parler depuis. Jean chapitre 8. Donc il parle comme ça, il avance comme ça. Celui-là dit qu'il ne comprend pas 1 Jean chapitre 5, verset 6. Donc voilà sa question. Alors, donc, Jean chapitre 8, vous avez ouvert. Alors, ne faut pas t'annuler, lis-nous le verset 30 en montant. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils demeure. Il parle de ses serviteurs. Donc il parle des serviteurs qui ont été avant lui pour que le problème du péché qui est esclave, dont nous sommes livrés en esclavage là puisse être ôté. C'est ce que Hébreux chapitre 1 le dit au verset 1. Hébreux chapitre 1. Maintenant, regardez ça dans le livre de Matthieu, chapitre. Prenez Matthieu, Matthieu là, rapidement avant qu'on commence. Matthieu chapitre 21. Bon, vous pouvez noter le verset 33 à 46. Donc, prenons à partir du verset 33. Allons-y. Votre écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il afferma des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Et il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Ça va, vous avez vu, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Christ est l'héritier, c'est celui qui doit demeurer. Or le problème dans le corps d'homme maintenant, c'est que là où le Fils même doit demeurer, c'est là où le péché est venu habiter. D'accord? Donc le péché ne doit pas habiter le corps. Il faut que le Fils vienne y demeurer. D'accord? Mais comment s'est passé le processus? Le processus, c'est qu'au fur et à mesure, il a envoyé les serviteurs pour prévenir de ces choses-là. Maintenant, il est venu pour demeurer. D'accord, frère? D'accord, frère? Amen. D'accord, les sœurs? Ok, donc, autre question? Oui. Vous entendez là-bas? Bon, je crois que ce serait mieux de m'adresser comme ça, il serait obligé d'ouvrir la voie, pas vrai? Il a le problème à la gorge. Parle, tu m'as connu, mon frère. Vas-y, parle. Oui. Oui. Oui. Salut le celui qui a côté de toi, moi. Non, c'est la non, il dit salut le d'abord. Il rit quand tu dis j'ai été TJ. Bon, attends, non, frère, c'est notre soirée, nous sommes dans sa présence. Nous sommes sous son regard, d'accord? Bienvenue. Donc, il a dit que j'ai été TJ. Il a pris sa rapine, il veut passer, pourquoi on ne comprend pas que t'aimes le Jéhovah. Chacun sort. Bienvenue. Chacun sort des milieux. Toi, tu étais où d'abord, frère? EEC. Devant toi, celui qui a le verre, papa Tani, tu étais quoi? EEC. Un quoi? Tu avais quel poste déjà? Aspirant ancien. Mais attends, pendant que vous y êtes, je suis en train de voir maintenant que j'ai tout un mélange là. Si dans d'autres, si on devait dire que ça c'est vraiment un conseil œcuménique ici là, ça veut dire qu'il y a des gens de tous les milieux ici là maintenant. Maman, tu étais où d'abord aussi? Mais ça, il y a comment EEC ici partout. Bon. Toi, tu étais où? Je cache ça, pourquoi tu parles dans ta gorge? Il y a un problème. Frère, tu étais où toi aussi? Jesus quoi? Jesus City Mission, dans la cité de la mission de Jésus. Frère, toi aussi? Mais vous êtes entendu pour pouvoir s'asseoir comme ça. Donc, les EEC sont ensemble, les TJ sont ensemble. Frère Yannick? Mission des disciples de Jésus-Christ. Tu as reçu la mission. Frère Jimmy. Enoch Generation Ministry. C'est fort. Oui, frère, tu as marché seulement partout. Donc, tu sais, partout. Les écoles de prière. Full gospel, vraiment. Donc, laissons ton cadeau. Oui. Manaïm, le camp de Dieu. Toi, là. Toi-même, tu étais au moment. Non, tu es allé, les frères, tout le temps embrouillé. Frère, tu étais aussi où? UEBC. Mais c'est fort seulement ici. Il y a des gens qui ne veulent même pas interroger cela. Donc c'est un mélange. C'est là. Alors maintenant, suivez attentivement. Bon, pendant qu'on y est, j'ai parlé la semaine dernière de la journée du 15, n'est-ce pas? La journée du 15, c'est férié. À moi, ce qui me trompe, c'est férié. J'ai dit que 9h, retrouvons-nous ici pour travailler parce que j'ai craint ce qu'il a. J'ai bien dit que le jour il avait prêché avec les verres noirs. Parce qu'il va devoir vous regarder dans les yeux sans que vous ne voyez mes yeux. Il ne faut pas que quelqu'un m'effraie. Il va dire ce qu'il va me mettre à cœur de dire. C'est depuis plus de 2 mois que ça me vient. À la maison, j'en ai parlé. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces choses-ci? Pendant cette période de jeûne, j'ai dit que soit pendant la période de jeûne, soit après le jeûne, il y a quelque chose, un travail qui doit être fait. Le Seigneur veut faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui nous tiennent comme ça. Au fur et à mesure, quand il réveille, il faut qu'on les montre pour que les gens s'en répandent. C'est un Dieu merveilleux que nous avons à servir. D'accord? Alors, Dieu au ciel, vous êtes sur la terre, vous dites que je suis conforme à Dieu, je suis conforme à Dieu. Il pointe le doigt sur la terre qui travaille sur telle chose pour que mon peuple enlève ça de leur vie. Pour mon peuple enlève ça de leur vie. Si vous voulez, là où il y a les sensations, on dit que je suis déjà fils de Dieu, je suis haut. Allez, seulement. Quand les fils vont parler, tu sauras ce que c'est fils de Dieu. Donc, alors, chaque personne ici sort dans un milieu, n'est-ce pas? D'un milieu. Et chaque fois que vous entrez dans ce milieu, vous prenez seulement les tâches où vous allez. Voici le frère Philippe, non? Il avait dit qu'il avait fait seulement, il n'a même pas dit, ou c'est 2 heures qu'il a fait là-bas. Il était sorti avec quoi? Les rois mages. Il est entré comme ça, c'est peut-être à la veille de Noël qu'il est entré. On a raconté l'histoire. Ou le prêtre ou le pasteur racontait l'histoire en disant, vous savez, chaque prêtre, des pasteurs, même à la radio, vous entendez seulement en parlant, ils disent les rois mages. Ils entendent les 3 rois mages. Vous demandez, ils prennent les 3 rois mages où? C'est le compte hors de la Bible. Vous regardez la Bible, ce ne sont pas des rois, ils n'étaient pas 3. Donc vous vous asseyez, je pense que le témoin, vous passez seulement quand vous asseyez. Vous dites bonjour, bonjour, bonjour. C'est comme on va dire là-bas, tu vas sortir avec ta femme. D'accord, donc chacun de nous a besoin de nettoyage. Selon pour cela, si vous êtes nouveau ici, je vous conseille de prendre l'enseignement qu'on avait fait ici sur. C'est même la première partie. J'attends seulement que Dieu donne l'ordre qu'on fasse la deuxième partie. Je ne sais pas comment ça va se passer. Nettoyage des déchets issus des dénominations. Parce que ce qui est là-bas, si tu es sous la départ, tu me dis, je vois une parole, on parle la même langue, pas vrai? Ils ne vont pas s'entendre. C'est qu'on dit à EEC. EEC, si on ne les arrête pas seulement, c'est qu'ils vont demander que vous ne faites pas la fête des moissons ici. Parce qu'ils sont habitués à la fête de la moisson. Il faut maintenant le calmer pour dire que non, non, doucement. C'est que Dieu t'a donné, rends grâce. Si tu veux donner, donne aux orphelins, mange à la maison. Ils vont toujours quoi qu'ils donnent. Quand ils vont donner, on donne. Après, on dit que c'est le groupe des gens de Macapé qui ont plus donné. On dit, wouh! C'est pour vous et le pasteur. Dieu ne considère pas cela. Donc, bienvenue, mon cher. Bienvenue, d'accord? Donc, nous tous ici, nous sortons des milieux. Oui. La transfigurance, oui. Oui. Voilà. Maintenant, chers les témoins de Jéhovah, quels sont les arguments bibliques qu'on vous a pris? On a parlé qu'on ne doit pas consommer le sang, n'est-ce pas? Après, ils disent que consommer, on consomme. Comment tu consommes quelque chose, par exemple? Déjà que consommer, la chose, c'est le manger. Le manger. Ça, c'est via la méthode de manger. Oui. Il y a aussi la méthode de l'introduire. De l'introduire par les veines. C'est-à-dire, par exemple, comme quelqu'un sera alité, il a une incapacité, par exemple, à la gorge, on met la nourriture au travers de cela. Alors maintenant, quand la Bible parle de consommer, il parlait de quoi? Allons-y dans le livre des Actes, Apôtres, chapitre 15. Vous y êtes. Actes des Apôtres, chapitre 15. Lisons à partir du verset 22. Allons-y, papa Tanili. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Oui. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Oui. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, oui, et auxquels nous avions donné aucun... Non, papa, t'as une liste qui écrit. Auxquels nous n'avions donné aucun ordre, oui, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, oui, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Chose contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Voilà, ça va. Adieu. Amen. Amen. Mon cher, tu vois ce qui est écrit, n'est-ce pas? Oui. Alors maintenant, si tu lis depuis le verset 5 de ce 1 Corinthiens, de ce le livre des Actes des Apôtres, il est dit là que beaucoup de choses, lorsque il y a eu vive discussion entre les disciples et les pharisiens qui voudraient qu'on soit circoncis, qu'on observe la loi de Moïse. Quand ils ont commencé à causer, ils ont dit que Moïse, il faut qu'on les abstienne, il faut qu'on ne mette pas d'obstacle à ceux des païens, des nations qui croient. Car ils ont depuis dans chaque ville là-bas, Moïse qui interdit, on prêche chaque sabbat dans les, qu'on s'abstient au sang et aux animaux étouffés, tel qu'on a dit là-bas. Et le Saint-Esprit ici a été d'accord à cette réunion-là. Donc il est question de consommer quelque chose qui a du sang, donc les choses saignantes. Point final. On ne doit rien y ajouter, on ne doit rien y retrancher. La transfusion sanguine n'a rien à voir avec la Bible. D'accord. Donc Dieu n'a pas dit K1 ici. Il a dit que les viandes étouffées. Oh oui, les viandes étouffées, donc c'est quoi? Viande étouffée, ça veut dire viande étouffée, non? Quand il a dit viande étouffée, ça veut dire que la viande qu'on a tuée par étouffement, non? Alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'interprétation. Et comme il a dit de consommer avec du sang, c'est consommer avec le sang. D'accord, mon cher? Voilà. Autre chose. Vous qui êtes sortis dans ces différents milieux, je préférerais que vous posiez des questions des doctrines, ce qu'on vous a enseigné là-bas, et poser et confronter la parole avec cela. Ce serait bien comme ça. Oui. Donc, il n'y a pas de traces d'interdiction de transfusion. Bon, ça ne se nomme même pas d'abord dans la Bible. Donc, le fait que quelqu'un fait une transfusion sanguine, ce n'est pas un péché du tout. Ça n'a rien à voir. Mais c'est que le fait que quelqu'un nie que Jésus est Dieu, c'est un péché. C'est dangereux plus que la transfusion sanguine. Oui, mon cher. Oui, frère. Bon, en fait, je voyais la question du salut de l'âme, du corps et de l'esprit, parce qu'on avait pu nous enseigner que quand la Bible dit, par exemple, que nous sommes celui qui croit maintenant est sauvé, oui, il nous enseignait qu'il s'agit là du salut de l'esprit. Maintenant, nous devons. En fait, il nous a dit qu'il y a la sanctification de l'esprit et la sanctification de l'âme, mm-hmm, du corps. Mm-hmm. Ce qui est fait intervenir, donc maintenant, les trois saluts, le salut de l'âme, du corps et de l'esprit. Disant donc que quand la Bible dit que nous sommes sauvés maintenant, oui, il s'agit de la régénération de notre esprit. Bon, attends, on va aller doucement. Voilà autant de choses qu'il faut arranger. Alors, le Seigneur Jésus est mort pour le salut de quoi? Le Seigneur Jésus, quand il espère à la croix, c'était pour le salut de quoi? L'âme, le corps, l'esprit, ou bien de moi, de mon être? L'être est constitué de quoi? Voilà, il faut rentrer le dire ça, d'accord, frère? Merci beaucoup. Des questions? Frère, oui. Est-ce que quand quelqu'un dit de prier, oui, on dit on ouvre la maison du sang de Jésus, c'est... Donc, la question c'est, lorsqu'on est en train de prier, on dit, couvrons la maison par le sang de Jésus, est-ce que c'est biblique? Je crois que vous allez me faire dire des choses, c'est il doit devoir dire. D'autres même boivent même ce sang-là. Il y a des gens qui parlent, on dit, ouvre ta bouche, il boit. Il dit que boit. Alors c'est ici donc que le témoin de Jéhovah doit même prêcher contre vous. Il n'y a pas de prière avec le sang du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Ça ne se retrouve pas. Il n'y a pas de prière avec le feu de Dieu dans la Bible. Ça ne se retrouve nulle part. D'accord? Le sang est tellement sacré dans la Bible au point où lorsqu'on devait même tuer quelque chose, on devait couvrir la terre. N'est-ce pas? Et par réflexe, on le fait sans s'en rendre compte. Maintenant, le sang précieux, le sang de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ a été versé à la croix une fois pour toutes. Si c'est comme ça, vous allez rencontrer les catholiques avec les gens des vieux catholiques qui disent qu'ils ont le clou avec les taches de sang de Jésus là-dedans. Et même si le sang de Jésus-Christ était ici là maintenant, si vous tournez, vous mettez le sang de Jésus-Christ, vous touchez là comme ça, vous êtes malade, vous mettez sur la maladie, ça ne guérirait pas. Parce que ce n'est pas ce sang physique qui a guéri, c'est l'acte. C'est l'acte. Je veux que vous saisissiez bien ce que je vais dire là maintenant. Je veux que vous fassiez attention à ce que je vais dire maintenant. À la croix s'est passé un événement. La substitution. Vous suivez? Il y a eu une substitution. La loi de Dieu exigeait qu'un innocent échange sa vie. lorsqu'on versait, lorsque dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un apportait le bouc ou on mettait la main sur la tête, et qu'on sacrifiait, on versait le sang, c'est la vie de cet animal innocent qui prenait, que le monsieur partait pour prendre son innocence. Donc, la personne qui mettait la main, en venant, il était quoi? Coupable. L'agneau était innocent. Donc, il y avait substitution. L'agneau prenait sa culpabilité et lui, il prenait l'innocence. Et pour que la culpabilité et l'innocence s'inter-échangent, il faut que quelqu'un disparaisse. Et c'est l'innocent qui en payait. Donc, ce n'est pas le sang le problème, c'est la vie qui quitte là-bas. Et pour que cette vie-là quitte, il faut qu'il meure. Vous me suivez, frère? Voilà. Alors, le sang que le Seigneur Jésus-Christ a versé à la croix, c'est parce que c'est le sang parfait. Il ne nous a pas donné ce sang-là de combattre avec. Vous me suivez, frère? Il n'est nulle part dit dans les Écritures. Je vais vous montrer les âmes de Dieu. Si tu marches dans la vérité, tu as une âme puissante. Vous savez ça? Il dit, si vous marchez dans la vérité, où il n'y a pas quoi que ce soit des traces de mensonges dans votre vie, vous avez une âme puissante contre l'ennemi. Parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Si vous marchez dans l'amour, vous avez une âme. Ça, c'est la bombe nucléaire, alors. Il dit, l'amour, c'est la bombe nucléaire. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 13 que si vous avez des dons spirituels, la foi même pour transporter les montagnes, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes un cymbale qui retentit. Où est-ce qu'il en est? Oui, n'est-ce pas? Donc, vous avez comme un tonneau vide qu'on a mis sur la montagne. Ça fait le bruit. Que parler en langue, sauf que vos cheveux se dressent. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert absolument à rien. Donc, l'amour, c'est la bombe nucléaire contre le royaume de l'ennemi. C'est pour cela que quand Satan voit qu'un homme et une femme s'aiment, il fait tout et tout pour créer le désordre. Parce que quelqu'un qui s'aime, lorsqu'ils sont deux unis, s'il prie, la Bible déclare que rien ne fera obstacle. Vous me suivez? Alors, donc, mon cher frère, il n'y a pas de verset biblique pour soutenir le fait que tu vas prier avec le sang. Ça se retrouve nulle part. Maintenant, la question maintenant, c'est que lorsque chacun a sa Bible comme ça, le fait qu'on ait déjà fait comme ça longtemps et qu'on a été habitué à voir même dans les dimensions fait comme ça, les gens disent « Waouh, waouh, ça brûle !» Je vais vous dire quelque chose pour que vous compreniez ce qu'il en est dans l'esprit. Je vous avais dit que je vais vous parler des dons spirituels, mais je vais glisser chaque fois de temps en temps pour y arriver. Vous vous souvenez de livre de Marc, chapitre 5, n'est-ce pas? Lorsque ce n'est Jésus, le monsieur qu'on a délivré, le démon a envoyé dans le port. Oui, quand on dit au moins comme ça, vous comprenez. Alors, la Bible dit que quand le Seigneur Jésus-Christ, le monsieur était dans les cimetières. Pas vrai? Écoutez très attentivement maintenant. Ah, vous pouvez me permettre de dire quelque chose maintenant. Le monsieur était dans les cimetières. On dit qu'il était constamment là, il se maîtrisait le corps. Pas vrai? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ sort du bateau. Il met le pied sur le bateau, sur la terre comme ça. Il quitte les cimetières. Il vient vers lui. Jésus a envoyé le feu. Qu'est-ce qu'il a fait venir? La présence de l'Esprit. Ah, la présence? J'aime ça, la présence de l'Esprit. Alors, lorsqu'il est venu, il s'est prosterné. Il a dit que Jésus faisait quoi? Qu'il le tourmentait. C'est pas ça? Jésus a envoyé le feu. Il a versé son sang sur lui? Non. Sa présence le tourmentait. Comment sa présence peut le tourmenter alors qu'il n'y a pas le feu tout autour? Alors qu'il n'a pas envoyé le feu. Ouais, frère. Donc faisons attention. La religion va nous finir. En voyant comme ça, quand tu as dit le feu. En fait, tu dis le feu. Tu veux te convaincre qu'il y a le feu autour de toi. Tu fais comme ça le feu. Donc finalement, c'est toi-même qui mets le feu. Écoutez, je vais citer la Bible et vous connaissez bien cela. L'ange de l'Éternel, à haute voix, l'ange de l'Éternel. On va commencer maintenant. On dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voilà. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que veut dire craindre Dieu? Haïr le mal. Proverbe chapitre 8, verset 13 dit quoi? Que la crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. Donc, pour s'éloigner du péché. Donc, celui qui s'éloigne du péché, il craint quoi? Il craint Dieu, pas vrai? Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe autour de lui? Donc, vis dans le péché. Et puis, tu dis que je nage dans le sang de Jésus pour dormir. Tu vas te noyer. Vous comprenez, n'est-ce pas? La crainte de l'Éternel. La Bible déclare que c'est un rempart pour l'intégrité. C'est votre chemin que vous avez tracé pour marcher dans la droiture. Donc en réalité, frère, lorsque tu dors, le Seigneur Jésus a dit qu'il veillera sur toi. Quand tu marches avec lui, tu veilles, il veille sur toi. Tu n'as pas besoin de construire le feu. Les gens qui construisent le feu, ils croient que certaines personnes sont seulement affectées. Affecté par le fait que tu es dans un milieu où on dit que prier plus petit. On dit Bon, il y a même un pasteur au Togo qui a demandé à ces gens d'apporter la matière. Ils ont apporté la matière. Il dit qu'on coupe, on taille les démons par la foule. On taille les actes prophétiques. On taille les démons. On taille les démons, frère, avec la machette. Avec la machette. Vous taillez dans l'esprit. Dans l'esprit, donc, si c'est dans l'esprit, vous n'avez pas besoin de prononcer le mot. Pas vrai? Vous avez besoin. Il y a une réunion familiale qui se prépare. Bon, le sens là. Après, d'accord. Dans l'esprit, vous pouvez donc parler sans ouvrir la bouche. Puisque le Seigneur qui s'est présenté là-bas, il n'a pas parlé. Le monsieur a dit que pourquoi tu nous tourmentes? Jésus lui a dit quelque chose. Maintenant, dans ce livre de Matthieu, chapitre 14, dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le Seigneur Jésus dit, ayant entendu que Jean-Baptiste avait été décapité, il s'est réfugié où? À Zabulon, n'est-ce pas? Il est descendu ça. Ah, vous lisez la Bible, frère. Comment il parle, vous me regardez comme ça? C'est pas ce qu'il écrit. Alors il est allé se réfugier à Zabulon, afin que ce qui est écrit dans le livre des prophètes Isaïe, le chapitre 8, là, vous prenez les versets 20, 21, 22, puis le chapitre 9, les trois premiers versets, que selon ce qui est écrit dans ce livre des prophètes Isaïe, que le peuple qui était assis en bordure de mer, ce peuple-là, le territoire des Zabulon et de Naphtali, qui était assis dans l'ombre de la mort, voit une grandeur. Quand Jésus est venu, il y avait les quand le Seigneur Jésus est venu là-bas, il y avait les guirlandes sur lui. Il y avait les guirlandes. Quand il marchait, il y avait les guirlandes sur son corps. Mais c'est le Saint-Esprit qui dit dans la Bible que le peuple qui était assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui étaient dans la vallée de l'homme de la mort, une lumière s'élève. Vous suivez, frère? C'est la puissance, l'esprit, la présence de l'esprit en toi qui va créer les troubles de l'ennemi. Troubler l'ennemi. C'est votre présence qui va créer le trouble. Il n'y a pas de. Des choses que c'est pour ça que vous voyez des gens vont prendre maintenant les choses simples pour mettre à la maison. Que quand je mets ça comme ça, regarde, c'est la conversion des païens avec la pensée païenne qu'on a christianisé encore. C'est avec la parole qu'on peut éteindre n'importe quoi pour qu'on bloque l'ennemi. N'essayez pas de. C'est pour ça que vous voyez quand on veut délivrer dans les dénominations, on fait d'abord que vous chantez d'abord, chanter pour que l'esprit se calme. Après, on dit que. Adorons Jésus. On chante le slow chrétien. On commence à dire, on dit que c'est le moment d'adoration. D'adoration. Dans le moment d'adoration, c'est quand on chante le slow où les gens font comme ça debout comme ça. Tu entends la sœur, c'est comme ça. Ah, la cantatrice qui a le micro dit le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Le flasher de poudre de poids. Oh, bien aimé. Maintenant le prof. Le pasteur peut entrer en scène et dire que maintenant le Saint-Esprit est là. Donc depuis que vous avez commencé, il n'était pas là. Ah, il faut qu'on se réveille, pas vrai, frère? Le Seigneur Jésus a dit dans Saint Matthieu, chapitre 28, le verset 20, il dit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Dieu va préserver. Il dit qu'il te gardera. Il préservera de toute chute. Hein, frère? Tu vas te couvrir avec le feu. Tu vas marcher, tu vas bavarder. On va dire que tu es fou. Tu ne crois pas que tu es fou. Et tu es vraiment fou. Et là, tu vas là où le cimetière, tu travailles le cimetière, vous voyez quelqu'un passe à dedans la nuit, quand il voit comme ça, quand il y a le cimetière, il dit que j'envoie le feu de Dieu. Tu envoies le feu de Dieu où? Après un fantôme te regarde comme ça, tes cheveux, c'est droit, tu commences à fuir. Alors donc faites attention. Quand il dit feu de Dieu, c'est parce qu'il essaie de se convaincre qu'en réalité, le feu combat. Non. Quand je vais dormir, je dors dans la sécurité. Vérifiez seulement que votre vie est en règle avec le Seigneur. Il veille sur vous. Il vous le dit, il veille sur vous. Je peux vous raconter tas de témoignages. Voici le frère Achille, il est à la maison avec moi. Regardez, observez, il y a cela deux jours, je crois que c'est deux jours avant-hier. Je suis sorti le matin, arrivé là où je garde la voiture toujours dehors. Ça fait plus d'un an que je suis là-bas, je garde la voiture parce que vous garez à l'intérieur de la barrière est étroite. Pour ceux qui sont déjà venus à la maison, il y a des gens qui ont le véhicule. Moi, je dors souvent vers 3h, 4h. Si vous garez derrière quelqu'un, il veut sortir, il va falloir qu'il sonne pour que vous enlevez. Vous garez devant et que maman veut t'appeler en urgence, il va falloir que tu passes sonner chez quelqu'un. Il dit, ok, ma voiture dort dehors. Il dit, ça dort dehors. Alors le monsieur qui est en bas, je lui ai dit, mais il est aussi porté sa voiture. Il dit, garde la voiture à côté de moi. Il m'a dit, t'as pas de foi. J'aime pas encore. Que l'esprit entre avec ma voiture. Donc il dit que sa voiture va rester dedans, que t'as pas d'ordre. Parce qu'il a déjà discuté, mais comment le type si garde sa voiture dehors. Je n'ai pas forcé pour avoir la voiture. Si on doit voler, qu'on vole. C'est dehors. Alors, la voiture est dehors. Je suis allé avant. C'est avant-hier ou hier? Je regarde la voiture, le monsieur était dehors, je dis que c'est pour tout aussi, bientôt ça va tomber là. Il ne faut pas que ça tombe sur ma voiture. Frère, quand vous servez, vous ferez mieux de faire attention avec la bouche, avec ce qui sort de la bouche. Il dit c'est pour tout aussi, risque de tomber. Pour ceux qui connaissent exactement le gars de la voiture, ils sont venus à la maison, le poteau sur la colline, exactement ça pend vers la voiture comme ça. Il dit ça risque ça risque. Il y a des choses où, si vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui est derrière, vous allez. Je parle par rapport au feu de Dieu pour la protection, pour le truc là. Alors, là, le poteau est comme ça. J'ai dit comme ça, le monsieur a pris sa voiture, il est allé au travail. Je lui ai dit, il faut que j'enlève la voiture parce qu'à tout moment là, ça peut tomber sur la voiture, frère. Frère, on est allé à la maison. Je ne sais pas avec qui il était en train de causer. On était en train de causer avec une femme en France, sur le net. On entend. Dehors. Je me suis dit peut-être que quelqu'un a garé sa moto, la moto est tombée. On est tous sortis, frère Achille et moi, on vient, écoutez très attentivement. Il dit là où le poteau se trouve, ça pend sur la voiture. Le poteau est tombé, c'est comme ça. C'est inexplicable physiquement. Je dis, hein. Alors ça a fait. Alors, qu'est-ce que. C'est le frère Achille qui est d'abord sorti. Il dit, mais qu'est-ce qui est tombé, frère Achille? Il dit sur le poteau que tu as dit tout à l'heure là. Dans ma tête, c'était que c'est sur la voiture. Parce que la corde passe sur la voiture et donc ça pèse par là-bas. C'est comme ça que le poteau est incliné. En fait, si vous voulez, un dessin, je vais vous montrer les photos de là où le poteau était avec la voiture filmée. Vous allez voir que c'est vers la voiture. Et donc, il n'y a pas d'explication. Qu'il y a la colline, ça se couche plutôt sur la colline. Il n'y a rien qui a pu faire que ça vienne sur la colline. Si tu devais penser qu'il faut envoyer le feu, tu vas envoyer le feu jusqu'où? Alors, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est procéder. On a dit, gloire au Seigneur. Vous suivez, frère? À côté de la maison, on faisait le chant, parce qu'on avait un chant là-bas, où, frère Achille, moi, on chantait. On fait le chant, on chante, on fait le chant, on chante. Pendant qu'on a fait le chant, le frère Achille est là, on a fait le chant. Vous savez, les herbes, quand vous débroussez les herbes là, quand il pleut, les herbes, il y a les herbes là, quand vous enlevez du sol, s'il pleut là, ça continue à pousser. J'ai mis les herbes là-bas, il dit au frère Achille, non. Il ne faut pas que Dieu permette qu'il y ait de la pluie pour que ça, ces herbes se poussent parce qu'on a trop souffert. Il dit que si Dieu veut qu'il tombe, ça va tomber la pluie. Et fait, ces jours-là, c'était noir de pluie en haut. Noir depuis en haut. Lui et moi, on a dû travailler. Il travaille, on a dû travailler. On chante des cantiques. Après, il dit Seigneur, je ne veux pas qu'il tombe. Il veut que ces herbes aussi meurent. J'ai vu tout venir travailler ici. Et écoutez, mais très attentivement. Le Saint-Esprit a dit il ne tombera pas de la pluie telle que tu as dit. Amen. Vous dites Amen, là, maintenant, c'est pas un réflexe. Je ne sais pas si vous saisissez cela. Par réflexe, vous dites Amen, ça, vous ne comprenez pas l'ampleur. Donc, Dieu entre dans les moindres détails de notre vie. Quand vous chantez au chant, il est avec vous. Vous allez aux toilettes, il est avec vous. Vous faites le cube, il est avec vous. C'est quelques petits témoignages que je vais vous donner. Frère Achille, en donne sa part, c'est fort. Alors on est là, on est en train de travailler. Il me suis tourné, dit frère Achille, je vais te dire d'ici quelques jours ce qui s'est passé là maintenant. Enfin, on a fini. Quand on a fini maintenant, on s'est mis à genoux, on a prié, on regarde. Je ne lui ai pas dit ce qui s'est passé. Après, quand on est allé au balcon, il dit frère Achille, le Seigneur a dit il ne tombera pas de la pluie tant que les herbes ne meurent. On est resté au balcon. Il a fait noir. Comme, vous savez, comme il fait pleuvoir. Noir. J'observais seulement. J'observe. Vous qui avez fait, on a fait la Sainte-Sainte quelques jours, il y a une année là-bas, alors vous savez ce qui devait se passer, pas vrai? Toujours par rapport à cette pluie, celui-là a dit qu'il ne tombera pas de la pluie. Et il n'a pas plu. Et après, quand ça s'est fini, il dit que chacun ferait mieux de rentrer chez lui, non? La pluie vous a traité, pas vrai? C'est comme ça qu'il parle. Il peut arrêter, il dit que la Bible déclare que les pluies, là, il les fait varier selon ses desseins. Donc s'il ne veut pas qu'il pleuve, il ne pleuvra pas. Il va tomber là-bas, tomber de tout autour, sans tomber effectivement là-bas. Alors, 3 jours après, on est allé au balcon. J'ai regardé les herbes, ça n'a pas séché. 4 jours, ça avait séché, séché. Ah, le frère Achille, j'ai levé la main, frère, Seigneur, ta pluie peut tomber maintenant, frère. 2 minutes après, la pluie a commencé à tomber. Alors, on n'a pas besoin d'envoyer le feu pour faire le feu. Vous êtes le dragon. Tout le monde regarde, quelqu'un dit, tu es le dragon. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillant avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, et je vous avais parlé que je vais parler de ce nom de Jésus-Christ, l'autorité qui est dans son nom. Quand tu dis au nom de Jésus, rien ne se mal, tu regardes rien ne se mal, parce que tu regardes dans la chair. Le nom de Jésus-Christ est véritablement puissant. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, il faut que tu sois en règle avec le nom de Jésus-Christ là. Si tu es en règle avec le nom de Jésus-Christ, prononce une fois. Je vous ai expliqué avec les aigles là. Vous savez, l'aiglon, quand il veut sortir, quand le moment arrive, il tape à l'intérieur. C'est lui qui casse. C'est lui qui casse. C'est pas sa maman qui casse, jamais. C'est lui qui casse. Il fait pac à l'intérieur. S'il fait pac, ça ne s'ouvre pas. Il reste tranquille. Il va faire quoi? Il va. Je ne sais pas si je suis en train de parler aux êtres humains ici. Si on vous ferme dans un nylon, vous percez le nylon ne s'ouvre pas. Vous restez tranquille. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Donc, quand il met un coup de bec là-bas, pap, ça ne se casse pas. Il fait quoi? Il s'arrête. Il continue à faire quoi? Il continue à. Le but de frapper, c'est pour faire quoi? Donc, tant que ça ne casse pas, il ne laisse pas. Donc, il a 2 alternatives. Soit il continue à casser pour sortir de là. Soit il reste tranquille, il meurt asphyxié. Alors, c'est comme ça avec le nom du Seigneur Jésus. Vous dites au nom de Jésus. Vous n'observez pas quelque chose. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qui t'a dit que ce n'est pas au 3e coup, au 4e coup, ça va marcher? C'est ça, n'est-ce pas? C'est notre relation avec lui qui crée le problème. Alors on commence quelque chose, le sang de Jésus. Il y a même des pasteurs qui disent aux gens d'acheter vous appelez le vin rouge, ou bien la grenadine à porter avec, qu'on va prier, ça va se transformer en sang. Ça, c'est un catholique converti. Quand vous lisez les doctrines des transsubstantiations, au concept de la trans, c'est exactement ce qu'ils disent. Donc, quand le prêtre finit de prier, ça se transforme effectivement au sang de Jésus. Donc, en réalité, les patriotistes ont, enfin, c'est ce que la Bible déclare, ils servent exactement, ils font avec l'esprit catholique. Il n'y a nulle part que vous allez prier pour que. Comment tu vas faire que le vin se transforme en sang? Comment tu vas faire que le follerie devienne le sang de Jésus? Pour faire quoi? C'est la sorcellerie. Alors, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit, d'accord, frère? Il n'y a pas de prière de feu que cracher le feu. Il n'y en a pas. J'aimerais que vous posiez des questions pour qu'on puisse développer cela. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 6, c'est lui. Il est venu avec quoi? Avec de l'eau et du sang. Amen. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Amen. Et l'esprit rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Oui. Quel sens comment? On a dit, il n'y a pas de sang d'accord. Il dit qu'il est venu avec l'eau et le sang. Le sang d'abord c'est quoi? C'est son sang. Alors c'est l'eau aussi. Quand on l'a poignardé, qu'est-ce qui est sorti frère? Qu'est-ce qui est sorti? Et quoi, comment tu me poses la question? Oui mon cher. Pourquoi tu dis que le sang c'est le sang et l'eau? Il faut tourner que l'eau dise quelque chose. L'eau, ça veut dire quand nous lisons la Bible, comme le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est venu avec l'eau et du sang. Mm-hmm. Bon, maintenant, nous qui sommes les enfants de Dieu, quand nous prions, il faut que nous allons utiliser ce que Jésus est venu avec. Parce qu'il est venu avec l'eau et le sang. C'est pourquoi quand nous prions, nous prions aussi, nous couvrons. Parce que moi, il y a le moment où moi, je prie, je me couvre par le sang de Jésus-Christ. Ah oui. Donc tu es l'un d'eux, n'est-ce pas? Oui, je suis l'un d'eux. Je me couvre par le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ est très important. Oui. Oui. C'est lui-même qui a dit qu'il est venu avec le sang et de l'eau. Oui. C'est pourquoi moi je me couvre avec tout ce que Jésus-Christ est venu avec. Donc tu te couvres avec l'eau. Hein? Avec l'eau, tu te couvres avec l'eau. Ça dépend, mais avec l'eau, moi je me couvre. Parce que ça tient déjà. Non, attends d'abord. Tu t'es déjà couvert avec l'eau. Ça arrive. Mais non, je me couvre. Jamais avec le sang, pas vrai. Je me couvre pas le sang. Est-ce que tu te couvres avec la terre? Non. Il est venu avec la terre. Mais il n'a pas dit dans la Bible qu'il est venu avec la terre. On n'a pas dit dans la Bible que c'est lui qui a créé la terre. Mais il a créé, mais c'est qui lui-même il a dit. Oui. Il dit qu'il est venu avec le sang. Donc il a pris quelle eau donc pour venir avec? Mais l'eau que lui il a prononcée, c'est avec ça qu'il me couvre avec. Ou tu prends ça où? Hein? Tu prends ça où? L'eau là. Je prends là où lui il a dit. Je ne sais, il a dit qu'il est venu avec le sang. C'est pourquoi je prends ce sang là pour moi. C'est parce qu'il est venu, tout simplement parce qu'il est venu avec. C'est lui qui a dit qu'il est venu avec. Non, je dis ceci. Quand il est venu avec, il a dit que tu te couvres avec. Pourquoi tu ne bois pas tout simplement l'eau là par exemple? Parce qu'il a dit par exemple dans Jean chapitre 4, d'accord. La femme éternelle de vouloir prendre de l'eau à boire. Il a dit que si tu connaissais qui était au devant de toi, le don de Dieu, et celui qui est devant toi qui te donne de l'eau à boire, tu lui aurais demandé de l'eau et qui te donnerait, tu boirais et que ça ne s'agirait pas. La femme a dit, donne-moi de cette eau. C'est de cette eau dont tu en as parlé. Oui. Donc c'est avec ça que tu te couvres. Peut-être je ne m'explique pas bien. Explique-toi donc bien pour comprendre. Jésus est celui qui a créé toutes choses. Amen. Oui. Mais maintenant, il est venu, il a expliqué qu'il est venu avec l'eau, le sang et l'eau. Oui. Le sang et l'eau. Oui. C'est pourquoi, bon, ces deux choses qu'il a expliquées. C'est pourquoi il a laissé toute autre chose, il a expliqué uniquement les deux là. Parce que ces deux choses sont très importantes. Mm-hmm. C'est pourquoi moi, j'utilise toujours les deux. Oui. J'utilise les deux. Juste là, moi, je te comprends. Peut-être c'est toi qui ne me comprends pas. La Bible a dit qu'il est venu avec. Oui. Il t'a dit que tu utilises ça pour la prière. Je vais utiliser parce que c'est lui qui est venu avec et bon. Il a prononcé. Bon, moi aussi, je prends maintenant aussi les crânes. C'est lui qui a créé. Non, les crânes, il a créé les crânes, mais il n'a pas parlé de ces deux choses parce qu'il a créé beaucoup de choses. Oui. Mais il a prononcé ces deux choses. Pourquoi? Donc, par exemple, s'il avait prononcé le chien, tu devais prier avec le chien. Et s'il avait prononcé le chien, qu'il est venu avec le chien. Oui. Moi, je vais prendre le chien. Ok, maintenant, il a aussi dit qu'il est venu avec la division. Prie avec la division. Bien sûr, on prie avec la division parce qu'il y a certaines qui refusent d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mm-hmm. C'est pourquoi on dit, dans la Bible, il faut fuir ceux-là qui peut-être. Non, je dis qu'il faut utiliser. N'explique pas la division. Il faut utiliser la division. Utilise. Ça fait partie de fuir. Parce que, bon, si vous êtes battu dans un groupe, des gens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Oui. C'est là, c'est à ce moment qu'on peut, fuir. On va fuir. Même avant que Jésus ne vienne, les gens fuient. Même avant que Jésus ne vienne, les gens quittaient les partis des pharisiens pour se joindre à la partie des saisis sans que Jésus ne soit venu avec la division. Bon, il y a plusieurs manières. Même Jésus dit que ma manière de vous aimer, ce n'est pas comme les autres. Mm-hmm. Donc sa manière d'aimer, c'est une manière très spéciale. Voilà. Jésus est dit par, il a aussi dit, je vais citer seulement ce qu'il a dit. Hein. Il a aussi dit qu'il n'est pas venu avec les. Il est venu mettre l'épée entre l'homme et sa femme. C'est possible. Donc il faut utiliser l'épée. Non, cette épée, c'est une épée spirituelle. C'est attends, pas, stop maintenant. Là, c'est là je voulais en venir. L'eau qu'il est venu, c'est spirituel ou c'est physique? C'est toujours spirituel. C'est quel style d'eau, frère? C'est une eau spirituelle. Quand je dis, il me couvre, je ne peux pas ramasser l'eau, je ne peux pas ramasser le sang. Non, il faut que tu l'expliques. Parce que peut-être que tu as la parole. Oui, peut-être que tu as la révélation qu'on n'a pas. Tu nous dis comme ça, on puisse se baigner aussi là-dedans. Quand Jésus disait qu'il est venu avec, comme il est dit dans 1 Jean, chapitre 5, c'est ce qu'il est venu avec l'eau là. C'est quoi? On parle de quoi? Bon, l'eau. Il y a l'eau, même le baptême d'eau. Non, non, explique-nous pour le verset là. Laisse le baptême. L'eau là, c'est quoi? Ou bien, peut-être c'est l'eau compliquée. Le sang là, c'est quoi? Le sang versé. C'est son sang qui a été versé. Comment? C'était physique ou c'était spirituel? Ce sang a été physique. Bon, maintenant. Hein? Oui. Maintenant, oui. Parce que Jésus a dit, comme il est en train de partir, oui. Il va nous envoyer le Saint-Esprit. Oui. Oui. Maintenant, pour toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus un sang physique, c'est un sang spirituel. Sur quel verset tu te bases pour dire qu'il y a un sang spirituel? Pardon? Sur quel verset de la Bible tu te bases pour dire qu'il y a nous un sang croyons, spirituel? Nous croyons maintenant de ce sang qui a été versé pour un nous. Sang physique ou bien un sang spirituel? Il dit, n'est-ce pas, tu maintenant, vois, pour nous, c'est un sang spirituel. Attends, nous sommes en 2016 aujourd'hui. Oui. Jésus est mort il y a ça, plus de 2000 ans. Le sang qu'il avait versé pour tes péchés qui est devant moi maintenant, oui. C'était un sang physique ou un sang spirituel? Ce sang-là était physique. Maintenant, en quoi tu dis maintenant qu'il y a un sang spirituel? Ce sang-là est spirituel maintenant parce qu'il a dit, comme je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit. Oui. Maintenant, toute chose que nous faisons, tout enfant de Dieu qui fait telle chose, fait maintenant par le Saint-Esprit. Mm-hmm. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas un truc. Mais le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il parle du sang là maintenant. Comment le sang devient c'est spirituel? Le sang du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi vous riez? Il faut le laisser. Je vous ai dit qu'on a besoin de nettoyer. Ce sang est spirituel. Bon, le sang spirituel, donc ça coule dans quelle veine? Pardon? Ce sang spirituel, ça coule dans quelle veine? Ou bien le sang est disponible où? Dans quel esprit? Où? Le sang, je sais que le sang est, c'est le sang du Seigneur. C'est où alors? Donc c'est où? C'est un sang qui est spirituel. Comment ça? Quand même nous combattons contre même les démons. Oui. On ne voit pas les démons. Oui. C'est spirituel. Non, c'est un esprit. Le démon, c'est un esprit. On sait que le démon est là. C'est toujours esprit. Oui, le sang, restons sur le sang. Même le sang est tout esprit. C'est ça que comment ça? Le sang est esprit. Il y a quel verset qui dit? Un verset dit ça. Hein? Non, essaie de défendre avec la parole alors. Ce sang. Je sais que dans ma conscience, mm-hmm. je crois que le Seigneur, je passe son sang. Et maintenant, nous vivons maintenant par le Saint-Esprit. Oui. Tout ce que nous faisons, c'est seul par le Saint-Esprit. Oui. Je me couvre par le Saint-Esprit, par le sang du Seigneur Jésus. Attends, tu te couvres par le Saint-Esprit ou par le sang du Seigneur Jésus? Je me couvre par le sang du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même, quand il est venu avec le feu. Mm-hmm. Je crois qu'il y a une partie dans la Bible. À chapitre 2, il est descendu, on a vu le feu sur les voilà. Même quand il y a le feu du Saint-Esprit, oui. Que l'homme, toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, doit utiliser le feu du Saint-Esprit. Bon, une fois de plus, le Saint-Esprit aussi est venu avec le feu cette fois-ci. Donc, non, à chapitre 2, là, le Saint-Esprit est venu avec j'ai le pas trop lu, mais j'ai lu une partie et je crois que, en tant qu'enfant de Dieu, mm-hmm. je vais utiliser tout ce que Jésus-Christ a dit. Ça, c'est ce que tu sais, ou bien c'est ce qu'on t'a dit, ou c'est ce que la Bible dit. Il y a ça, la Bible. Acte chapitre 2. Mm-hmm. Ouvrez. On a du travail sur cette thèse, il vous dit. Acte chapitre 2, nous sommes dans Jean ici, donc on va dans Actes des Apôtres. Après Jean, donc, de toute façon, acte le chapitre 2. Donc, tu as dit que tu étais à l'église évangélique. Donc, à l'église évangélique, vous étiez aussi le feu là-bas. Bon, maintenant. Maintenant, c'est bon, c'est bon. Maintenant, je suis à l'église de Réveil. Je suis avec le prophète Tibi Joshua. À l'église? Je suis à la synagogue. Et l'église des nations. Oui. Prophète Tibi Joshua. Mais il a sa branche ici au Cameroun. Bon, une branche au Cameroun. Ça se passe en direct à Emmanuel TV. Ok, donc tu es dans son église, pas en esprit. En esprit. Ok. Bon, le dimanche, nous sommes à la maison. Ok, vous êtes à moi. Le dimanche, même nous sommes connectés en direct avec Emmanuel TV. On arrive. Bon, maintenant, regardons ici. Chapitre 2. Allons-y, à partir du verset 1. Merci. le jour de la Pentecôte, oui. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où il était oui. assis. Oui. Des langues s'assembla à des langues de feu. Oui. Leur apparut oui. séparées les unes des autres uh-huh. et se posaient sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit uh-huh. et se mis à parler en d'autres langues uh-huh. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais c'est ces versets que tu voulais dire que le Saint-Esprit venait en somme de feu là. Il parle du fait que tu serais baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage. C'est toujours dans la Bible. Bon, je voulais dire que n'est-ce pas, là où tu parles du feu, là, tu as dit que vous baptisez le Saint-Esprit du feu. Oui, c'est un Saint-Esprit. Allons dans Matthieu chapitre 3. Donc, lorsque vous écoutez quelqu'un avec la Bible, vous devez être patient pour comprendre effectivement ce que la personne a de nous dire, d'accord? C'est pour ça que nous sommes ici, pour qu'on soit édifiés les uns les autres. Matthieu chapitre 3. Nous sommes partis du verset 11 maintenant. Verset 11, chapitre 3. Moi, oui. je vous baptise d'eau. Oui. Pour vous amener à la. Je vous baptise d'eau pour vous. Amener à la repentance. À la repentance. Oui. Mais celui qui vient après moi oui. est plus puissant que moi. Oui. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Oui. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Oui. Voilà. Mmh. Je crois que c'est. C'est ça. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Oui. Oui. On va continuer. Non, ça va, voilà. On a vraiment vu le Saint-Esprit là-bas et le feu. Oui, parle donc du feu. Dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va nous baptiser par le Saint-Esprit. Et le feu. Et le feu. Oui. Donc, c'est ça que j'étais en train de dire. Que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu avec, oui. c'est très important pour toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Comme moi. Il est venu avec le feu. Il est venu avec le Saint-Esprit et le feu. Saint-Esprit, le feu. Donc c'est pourquoi nous, toute personne doit utiliser le Saint-Esprit. Parce que nous utilisons tout le Saint-Esprit. Oui. Nous utilisons le feu. Oui. Bon, attends, je pose une question. Tu permets que je te pose une question. Ne sois pas contraint. Sois à l'aise, d'accord? Je suis à l'aise. Oui. Depuis que tu as lu la Bible, Actes des Apôtres totalement, et les évangiles, enfin, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, tu as tout lu ça jusqu'à la fin. Bon, la lecture, je lis par moment. Donc, il lit un peu progressivement. Ça veut dire que ce sera difficile. Je voulais te demander si tu as vu les disciples dans la Bible prier comme tu dis qu'on prie comme ça, ou bien utiliser ce que tu as dit qu'on utilise là. Parce que Jésus, c'est à eux d'abord que Jésus disait, n'est-ce pas? Et c'était les premiers témoins du Seigneur Jésus. Nous savons que nous avons un Dieu qui est tellement grand. Oui. Ce que les apôtres Paul et les Pierre ont fait. Oui. Ils n'ont pas tout fait. Oui. Parce qu'à nos jours, ça continue. Dieu utilise tout genre de moyens. Par exemple, par exemple, si tu vois un catholique qui a dit que Dieu lui a demandé d'utiliser, de réciter les rosaires et prier la Sainte Marie, qu'est-ce que tu dirais? C'est d'abord interdit. Non, Dieu est tellement grand qu'il peut utiliser n'importe quoi. Non, il fait des choses que les apôtres n'ont pas fait. Il y a des choses que d'autres utilisent et que c'est déjà écrit dans la Bible. Oui, comme par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui interdit d'utiliser la croix? Il prie avec la croix en faisant les chapelets. Montre-moi un verset qui dit qu'on n'utilise pas. Parce que d'abord, nos cultures, on dit que maintenant, oui. tout est spirituel. Oui. On n'a pas besoin de porter toutes ces choses physiques. Ok, donc. Nous savons que la croix, c'est quelque chose de physique. Qui est spirituel. Oui. La croix pour un chrétien, oui. ce n'est pas de porter un truc matériel. C'est comme ça. Mm-hmm. La croix, maintenant, c'est dans l'esprit. Ok, maintenant, un catholique dit que non, je n'utilise pas cette croix-là comme tu as dit. Mais elle se tient quelque part. Elle dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Elle fait ça 150 fois. C'est dans l'esprit, là, maintenant. L'autre, là, mm-hmm. l'autre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le seul médiateur entre tout homme. Oui. Et Dieu. Tu as pris ça au frère, c'est ce que tu veux dire là. Ce que tu dis là, c'est écrit dans la Bible. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Oui. Maintenant, tu as dit tout à l'heure là qu'il y a des choses que les apôtres n'ont pas fait. Que les apôtres Pierre n'ont pas fait parce que Dieu est tellement grand, non? Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a la révélation que Marie est venue. Il a dit qu'il faut qu'on prie pour qu'elle puisse intercéder auprès. Non, c'est déjà lui-même, c'est déjà écrit parce que Dieu lui-même a dit qu'il y a un médiateur entre l'homme et si quelqu'un dit encore qu'il faut passer par Marie, c'est que oui. C'est plus ça. Eh bien, dans ce cas-ci, moi aussi, je te pose la question de savoir, les gens ont déjà fait la prière dans la Bible, on a monté le carnaval de la prière. D'où sortir le Saint-Esprit avec le feu maintenant aussi? Qu'est-ce que tu dis? Parce que ce n'est pas aussi écrit. Si. Il dit ceci. Il justifie le fait que Marie était venue dans Jean chapitre 2, quand le vin était fini. Ils sont allés vers Marie. Marie a dit que, allez, faites tout ce qu'elle va vous dire, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tout ce que Marie demande à Jésus, Jésus le fait. C'est écrit clairement, et tu ne peux pas dire autrement. Donc, Marie a intercédé auprès de Jésus, et Jésus a donné ce qu'elle a voulu, n'est-ce pas? Voilà. Ok, maintenant, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi tu dis maintenant que, si ils prient Marie, ils ont fauté? Parce que c'est écrit aussi dans la Bible. C'est ça que Dieu est en train de dire. Parce que maintenant, nous vivons sur le spirituel. Oui. Marie, à ce temps-là, était un corps physique. Oui. Qui marchait avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Maintenant, parce que Jésus lui-même, parce qu'à ce temps, on peut dire qu'à ce temps, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Oui. Parce que c'est quand Jésus-Christ est parti que le Saint-Esprit est venu. Mm-hmm. Maintenant, comme le Seigneur Jésus-Christ est monté et Marie n'est plus là, oui. C'est le Saint-Esprit maintenant qui agit actuellement. Oui. Oui. Donc, Marie n'a plus de place. Ce nom de Marie oui, il n'a plus de place. N'existe. Ok, ça veut dire que le Saint-Esprit agit maintenant et il agit au travers du feu et au travers du sang. Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu utilisais l'eau, tu utilisais le sang, tu utilisais le feu. Le Saint-Esprit agit. C'est tout pour le Seigneur Jésus-Christ qui agit. Oui. C'est pas ici le Saint-Esprit vient toujours par le feu. C'est tout pour le Seigneur Jésus-Christ qui vient. S'il vient même par l'eau, c'est tout pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais il vient spirituellement. Mm-hmm. C'est quoi il dit? Un chrétien doit utiliser le feu. Oui. Un spirituel doit utiliser l'eau. Mm-hmm. Oui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Maintenant, c'est lui. Bon, dis-nous un peu comment on utilise ça. C'est-à-dire, parce que tu as dit que c'est spirituel. Comment on doit l'utiliser? Comment utiliser quelque chose qui est spirituel alors que nous sommes physiques? Allons-y un peu voir. Quand nous prions. Oui. Oui. Quand moi, je sors le matin. Oui. Je dis, quand je viens de rendre grâce à mon Seigneur. Oui. Je dis, je me couvre. Par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu dis comme ça, c'est que tu es effectivement couvert par le sang de Jésus. Et c'est spirituel. C'est spirituel. Tu prends ça où? C'est ça le vrai problème. Le sang là, tu le prends où? C'est un sang qui est déjà comme ça. Il veut prendre ça. C'est au nom de Jésus-Christ qu'il va prendre. Donc ça veut dire que tu pries comme ça. Si tu es couvert, tu es sûr que tu es couvert. Je suis couvert. Là maintenant, comment toi tu peux me prouver, parce que c'est même pas écrit, que tu es couvert par le sang de Jésus? Bon, dans mon esprit, dans mon cœur, je sais, j'ai ma confiance. Chaque personne a sa relation avec son Dieu. Oui. Je sais que j'ai la confiance que je suis couvert par. Le sang de Dieu. Maintenant, si tu me veux me voir maintenant, parce que tu as dit que chaque chrétien devait le faire, ça c'est la confession que tu as. Je veux que tu me prouves par la Bible que si il prie comme ça, il serait couvert. Prouve-moi donc par la Bible. Je ne suis pas en train d'impacter. C'est notre Bible, c'est notre Dieu qui dit. Que quoi? Il est venu avec le feu, il est venu avec. Avec l'eau et le sang. Oui. Pour qu'on prie avec, pour se couvrir. Pourquoi nous utilisons, nous prononçons le nom du Saint-Esprit? Pourquoi nous invoquons le Saint-Esprit? Parce que. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a prononcé tout le Saint-Esprit, dit que le Saint-Esprit, il va envoyer le Saint-Esprit. Oui. C'est pourquoi, comme il a dit qu'il va envoyer, nous utilisons toujours ce Saint-Esprit. Mm-hmm. Tu utilises le Saint-Esprit comment? Comment tu peux utiliser le Saint-Esprit alors que c'est l'Esprit de Dieu? Tu vas l'utiliser. Nous invoquons ce nom. Mm-hmm. Nous invoquons le nom du Saint-Esprit parce que c'est Jésus-Christ qui nous a donné. Mm-hmm. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit parce que c'est tout Jésus-Christ qui nous a donné. C'est le matériel, c'est un matériel. Quand on dit que nous sommes les soldats de Dieu, c'est un matériel et très efficace pour toute personne qui concerne Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas croire sans utiliser le feu du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas croire sans utiliser même de l'eau. Oui. Parce que c'est tout ce que Dieu nous a donné. Si on laisse, on va pas utiliser quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il est venu, il t'a donné? Hein? Est-ce qu'il a dit là qu'il t'a donné? Si il dit qu'il est venu, venu pour nous laisser. S'il est venu, c'est pour nous qu'il est venu avec. Il est venu avec pour nous donner. Je crois que vous permettez qu'il interroge. Vous n'êtes pas inquiète, n'est-ce pas? Non, nous sommes dans la parole. Frère. Nous sommes dans la parole. Oui, tu voulais parler depuis là, maintenant parle. Non, je vous ai dit que moi j'ai eu ma délivrance à travers. Pourquoi je pose la question là? Non, non, je parle de sang. Parce que apparemment, vous semblerez, vous voulez étayer ce qu'il dit. Vous parlez de sang et de feu là. Non, parce qu'il a parlé, il est de scone. De scone. Non, c'est l'aspect du sang qu'il voulait interroger. Je voulais interroger ça. Non, ça va. Bon, ok, maintenant, ouvre 1 Corinthiens chapitre 4, mon cher. 1 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 4. Waouh! On a plusieurs. C'est fort. Yes. Donc, restez seulement tranquille pour qu'on puisse utiliser la parole, d'accord? Aidez-le à étudier, à ouvrir. Il a dit qu'il ne lit pas de temps en temps. Il lit de temps en temps. Bon, mon cher, je pose une question pendant que vous allez chercher. Si je n'en ai pas là aujourd'hui, maintenant, tu fais comment? Pardon? Si tu veux, je n'en ai pas là aujourd'hui, même maintenant, tu fais comment? Avant que le prophète Yves Chouanetien, oui. Il est comme plutôt comme les apôtres Paul. Comme les apôtres Pierre, oui. Apôtres Jacques. si avant que je le connaisse, oui, moi j'étais connecté au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Parce que c'est lui que je connais. Oui. Donc, maintenant, lui est venu comme il est venu en tant qu'un homme de Dieu. C'est pourquoi, parce que même la Bible dit béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Oui. Celui qui reçoit. Oui, en fait, je veux dire qu'aujourd'hui, là où toi et moi on se trouve, s'il meurt là, qu'est-ce que tu fais? S'il meurt, oui, il rend gloire à Dieu et il continue à adorer mon Seigneur parce qu'il sait que Jésus ne change pas, le même Dieu, le même Seigneur, continue avec lui. Comment tu vas faire toutes ces choses et tu ne lis pas la Bible? Je lis, vous dites que je lis. Verset 6, verset 6. Il n'est pas vous, il n'est pas en train de connaître, je lis. Dans 1 Corinthiens, je peux te dire. Peut-être que la lecture, j'aime pas trop. 1 Corinthiens 6, chapitre 4, là, le verset 6, regarde le verset 6 à haute voix, lis un peu à haute voix. Ou bien, attends, pas t'en lis, son voisin, non, voisin église évangélique. Il lit à haute voix comme ça, tu suis, n'est-ce pas? Allons-y. C'est à cause de vous, frères, oui, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, oui, et à celle d'Apollos, oui, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà, regarde-moi, mon cher. Tu vois, c'est juste que l'apôtre Paul a dit là-bas. Oui. Qu'on fasse comment? On doit parler au-delà de ce qui est écrit. Bon, alors maintenant, tu peux me montrer donc une personne dans la Bible ou bien un style de prière dans la Bible où on a utilisé le feu et le sang du Saint-Esprit. Non, est-ce que dans ton entendement, est-ce qu'il y a ça dans la Bible? Dans notre Bible, oui, notre Seigneur a dit, il y a même des choses qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas fait. Oui. Qui n'est même pas écrit ici. Oh, ça se trouve là-bas. Allons-y d'abord. Ouf, ce que tu as dit là. Allons-y d'abord. On va d'abord lire ce qui est écrit. Jean, rentre dans Jean. Vas-y, rentre dans Jean. Il est verset 30 et 31. Jean, chapitre combien? Le dernier. Chapitre 20. Comment? Un chapitre. Chapitre 20. Verset. Pas le dernier verset. Va au chapitre 20, le verset 31. Chapitre 20. Chapitre 20. Allons-y. Lis donc, mon cher. Mais ces choses. Non, lis le verset. J'ai dit verset 30 et 31. Bon, lis le verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, oui, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits, oui, dans ce livre. Oui. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ. Oui. Le Christ, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Oui. C'est ce qui est écrit. On dit qu'il a fait des miracles. On n'a pas dit qu'il a fait des prières. Il n'y a pas des enseignements qu'il a donné. Tout ce qui était consigné a été là consigné. L'apôtre Paul a dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Tout ce qui est nécessaire pour l'église a été déjà écrit. Donc, ce que tu voulais citer là, on a parlé des miracles que Jésus a fait qu'on ne voulait pas mentionner. D'accord? Les écrits, les enseignements qu'il a reçus de Dieu pour nous, pour qu'on soit sauvés, c'est déjà donné. Tout est consigné dans la Bible. C'est pour ça qu'on doit parler au-delà de ce qui est écrit. D'accord? Donc, il n'y a pas un enseignement que les chrétiens ont encore besoin de savoir extérieur de la Bible. Tous les enseignements, tout ce que nous avons besoin pour connaître Dieu, c'est consigné dans la Bible. Mais par rapport aux miracles maintenant, il y a donc des miracles, par exemple, on a raconté, peut-être jusqu'à ressusciter quelqu'un, peut-être on a coupé la tête de quelqu'un, il a pris, il a remis là-bas, n'est-ce pas? Peut-être. Peut-être il a dû arrêter un oiseau, tirer, après recoller encore. Mais on n'a pas mis tout cela, parce que c'est le miracle plutôt. Mais si on a dit, parce que la prière et autres là-bas fait partie de la vie chrétienne. Pour ce qui est de la vie chrétienne, donc, l'apôtre Paul a dit que, On a fait l'application pour notre propre vie, Apollos et à moi, afin que vous sachiez à notre personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est pour ça que j'en ai dit que est-ce qu'il y a des gens dans la Bible qui ont prié comme ça? Est-ce que tu peux voir? Des gens dans la Bible. Oui, dans le nouveau, on veut que le fait pour la prière, ou bien se baigner dans le sang, ou bien dans l'eau. Parce que Jean que tu en as dit là, Jean, là on a dit que c'est Jésus qui est venu avec, non seulement avec le sang, mais avec l'eau. Et c'est l'esprit qui rentre maintenant. Les trois sont d'accord, ainsi de suite. Alors, ces gens-là, est-ce que Jean, quand il priait, il utilisait le sang, là, comme tu dis? Est-ce que les pieds utilisaient ce sang et cette eau-là? La chose qu'il y a là, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, oui, je sais que le Dieu qu'il connaît n'est pas limité. Oui. Il y a la prière que le Seigneur Jésus-Christ a donnée, notre Père qui est aussi. Oui. C'est écrit. Oui. Mais, comme Dieu n'est pas limité, on ne peut pas faire un culte ici basé uniquement sur cette prière-ci. Oui. À la fin du culte, on ne se met pas pour dire notre Père qui ne sait pas. Nous avons encore plus d'autres moyens de s'exprimer. Oui. En travers ici. C'est pourquoi le feu que je suis en train de vous dire, donc c'est toujours un moyen de s'exprimer, de montrer la puissance de Dieu. Oui. Le feu du Saint-Esprit, c'est toujours très important. Parce que quand il y a des endroits où quand on prie, on chasse les démons et qu'on utilise le feu du Saint-Esprit, vous voyez comment les gens sont agités. Et les gens sont en train de crier parce que ça brûle. Mmh. Ça brûle. Mmh. C'est en train de brûler même physiquement. Même si elle ne voit pas le feu, mais ça brûle cette personne. C'est pourquoi le feu est très efficace. C'est agité. Mais là, tu vois, le feu brûle même en entendant le feu, se fait sur le jugement. Donc c'est même efficace même quand on le prononce. Ça brûle, c'est clair, c'est ce feu est efficace. Ça a un peu de sens. Mmh. Bon, il dit en tant qu'esprit, il ne dit pas au hasard, il sait de quoi il est en dit. En tant qu'enfant de Dieu. Donc l'apôtre Paul n'était pas enfant de Dieu. Eux tous étaient tous des enfants de Dieu. Pourquoi personne parmi eux n'a utilisé cela? Bon, peut-être. Il ne savait pas. Il y a des choses qu'on n'a pas écrites. C'est eux qui ont écrit, c'est eux-mêmes qui ont écrit. La prière que nous prononçons maintenant, tu vois, non, c'est pas comme quelle prière par exemple? Quelle prière que vous priez que c'est pas mentionné ici? Il dit comme quelle prière par exemple? Si je prie par exemple, je prie Marie, n'est-ce pas? Si je dis que je vous salue Marie, c'est une prière qu'on dit, n'est-ce pas? Pourquoi tu vas me dire que c'est faux? Je vous salue Marie. Oui. Je ne reconnais pas cela. Parce pourquoi? Parce que la Bible nous a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et le Père. Oui. Tout ce que nous allons demander à Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui. Cela nous sera exaucé. Tu vois donc que le fait que j'ai parlé comme ça, tu es rentré dans la Bible, non? Ça en fait tu de la Bible que tu me dis que c'est pas bon, pas vrai? Je te pose la question. Où est-ce que quelqu'un qui... Mais j'ai pris le feu du Saint-Esprit, là, le sang de Jésus-Christ avec l'eau, comme tu as dit, là, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux montrer ça dans la Bible? Que c'est conforme à la Bible. Il continue à dire que le seul feu n'est pas sorti de nulle part. Oui. C'est Jésus lui-même qui dit qu'il est venu avec. Pourquoi ce qu'il est venu avec, on ne doit pas utiliser? Ce qu'il est venu avec, la partie, on va utiliser comme je veux. Donc, tout ce qu'il est venu avec, tu vas utiliser. Il n'est pas par exemple venu donner la paix. Il est venu donner l'épée. Il est venu donner l'épée. Et j'ai expliqué ce que signifie l'épée. C'est quoi? L'épée, c'est quelque chose que peut-être, si vous êtes avec quelqu'un, oui. Pendant que vous priez votre Dieu, oui. Et cette personne ne ressent pas, n'a pas cette. Il ne ressent pas les sensations. Il n'est pas de votre côté. Oui. Il préfère s'en aller. Oui. Voilà, l'épée qu'on avait parlé, c'est ça. Donc, ça signifie qu'il y a cette épée-là. Donc, la séparation. C'est une séparation. C'est ça qu'on dit, c'est l'épée même qu'on parle. Parce que vous n'êtes pas de la même famille. Mm-hmm. Oui, cette personne préfère prendre son côté. C'est ça qu'on parle, la séparation. Dit que la belle-mère et la belle-fille, la mère, la fille, il y a des maisons où, pendant que une maman s'engage à son Dieu, peut-être la fille n'est pas là-dedans. Mm-hmm. Elle préfère se retirer, mais elle vit toute dans la même maison. C'est spirituel. Maintenant, Jésus dit qu'il est venu jeter un feu sur la terre. Il est venu jeter un feu. Mm-hmm. Le seul feu continue. Ce feu continue parce dans ce verset-là, il dit qu'il s'en fout si ça brûle. C'est ça que tu utilises? Il est venu jeter un feu sur la terre. On ne refuse pas. C'est ça qui est en train de se passer dans ce monde aussi. Attends, c'est lequel de feu tu utilises? Le feu là qu'il est venu jeter sur la terre. Parce que tu as dit que tu utilises tout ce qu'il est venu avec. Il dit qu'il est venu jeter sur la terre. Il est venu jeter un feu. Son feu ne change pas. Uh-huh. C'est le même feu. Le feu qu'il est venu jeter. Uh-huh. C'est le même feu qu'on utilise maintenant. C'est le même feu qu'il va encore utiliser au dernier jour. Là où on va balancer tous ces gens qui ne sont pas. Le feu là donc qu'il a jeté sur la terre, c'est où frère? Quand il est venu, parce que tu as dit que c'était physique. Quand il est venu, il dit sa bouche que je suis venu jeter un feu sur la terre. Quand il est venu jeter ce feu-là, il a jeté ça où? Il est venu jeter un feu sur la terre. Mm-hmm. C'est un feu d'esprit. Parce que c'est un feu, quand il y a les gens, quand ils sont d'expliquer, il y a certains qui ne sont même pas d'abord d'accord. Parce que même donc, Dieu dit qu'il n'y a pas un péché plus grand que de régner le Seigneur. Que de refuser Dieu. Mmh. Ça, il y a un feu. Cette personne qui prend cet acte, qui reçoit cela, de dire qu'il n'accepte pas le Seigneur. Ça, c'est il y a un feu qui est en train de. Mmh. C'est ça que Jésus est venu avec. Et donc, c'est avec ça que tu pries alors. Le feu là. Non, je pense que c'est ta parole. Dieu est grand. Si non. Nous voulons ancrer dedans pour vouloir analyser. Non, attends, c'est ta parole. Tu as dit dans ta bouche que tu utilises tout ce que Jésus est venu avec. C'est pas ce que tu as dit ici. Jésus a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Je te pose la question, si c'est ce feu qu'il est venu jeter sur la terre, que tu utilises pour prier. Ce feu-là nous permet de briser toute force qui n'est pas de Dieu. Okay. C'est un feu qui, tout ce qui n'est pas de Dieu, oui. Ce feu-là brise. Okay. Et c'est en briser ça spirituellement, c'est pas physique. Lui, il n'a pas jeté ça, lui, il a jeté ça physiquement ou spirituellement? Spirituellement. Ok. C'est spirituellement. Et il a dit à ses disciples donc, d'utiliser ce feu-là. On l'utilise. Et il a dit, subit ma question, et il a dit à ses disciples d'utiliser ce feu-là pour briser. On brise. Bon, ok. On brise. Le feu, le rôle du feu, c'est de briser. C'est de brûler. Si tu as les ennemis, tu fais comment? Si tu as les ennemis qui te dérangent. Les ennemis, et notre Dieu, oui. Dit de ne même pas tuer les ennemis. Et quand tu envoies le feu, là, ça peut faire quoi? Parce que c'est écrit qu'il va briser une table devant. En face des ennemis, oui. Donc si nous tuons les ennemis. Il va agresser le retard devant lui. Le feu, donc, c'est pour faire quoi, donc? C'est ça que je t'ai demandé. Le feu, hein? Oui. Parce que tu as dit que le feu détruit tout. Quand tu utilises le feu, c'est pour faire quoi, donc? Ce feu qu'on utilise, c'est pas pour détruire nos frères. Mm-hmm. Ou bien n'importe qui. Oui. Ce feu, c'est pour détruire les forces sataniques, les forces des ténèbres. Mm-hmm. C'est ça, c'est là le rôle de ce feu. Parce que quand on prie sur une personne, elle a envie de crier, elle a envie de crier. Elle écrit son corps, ça ne se brûle pas, mais l'esprit qui en est est en train de ressentir ce feu, la puissance de ce feu-là. Okay. C'est ça, on dit que ça c'est un matériel que le Seigneur nous a donné. Qui dit ça? Que tu dis c'est ça qu'on dit que. Qui a dit ça, frère? Pardon? Tu dis que c'est quand c'est ça qu'on dit que. C'est toujours un matériel que le Seigneur nous a donné. Un matériel très efficace que le Seigneur nous a donné. Au nom de Jésus-Christ, ce feu-là réagit. Ça ne réagit pas tout simplement, ça réagit au nom de Jésus-Christ. Ce feu-là doit agir. Donc c'est toi que tu as expérimenté ça. J'ai expérimenté. Et tu sais que c'est vrai. C'est vrai. Même si c'est pas écrit. Pardon? Même si c'est pas écrit. C'est écrit. C'est pas un truc pour ça, c'est écrit, c'est là. Non, non, le feu est écrit, regarde, le mot feu est écrit dans la Bible, le Saint-Esprit écrit, l'eau est écrit dans la Bible, Marie est écrit dans la Bible, quelqu'un prie Marie. Ce feu, tout ça est spirituel. Oh, Marie. Mais Marie n'est pas physique, non, on dit qu'elle est même partie, elle est partie dans l'esprit. Marie, c'est une personne. Non, mais elle a... Et qu'après Jésus, il y a les paroles que Jésus dit qu'il n'y a pas un autre. Oui. Si quelqu'un me dit qu'il y a pas un autre, non, à côté de Jésus. Oui. C'est que ce n'est plus ça. Oui. Or, si nous, quand nous prions le feu, au nom de Jésus, que ce feu-là, parce que les catholiques ne disent pas, ne prie pas Marie au nom de Jésus. Mm-hmm. Ils ne prient pas Marie au nom de Jésus. Ils sont plutôt en train de lier Marie avec Dieu. Mm-hmm. Exactement. Or, ce feu que nous utilisons, c'est ce feu est lié avec le Seigneur Jésus-Christ. Mm-hmm. De quoi s'agit? Donc maintenant, désormais, si les catholiques prient maintenant Marie au nom de Jésus, ça va marcher alors? Ça ne doit pas même, ça peut même pas marcher. Pourquoi donc? Ils sont liés en train de jouer. Ça ne peut pas marcher. Ils sont les mélangés. Ça ne doit pas marcher. Et donc maintenant, ça veut dire que si je prie au nom de Jésus-Christ directement, sans mélanger le feu sur le nom de Jésus, ça n'a pas marché. Ça va toujours. Le nom de Jésus-Christ, c'est la force. C'est ça qui entoure ce feu. Même sans le feu, le nom de Jésus-Christ est toujours efficace. Ok. Donc, entre le feu de Dieu et le nom de Jésus-Christ, comme tu en as dit, et le sang de Jésus-Christ et l'eau là, lequel est plus efficace? C'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus-Christ couvre tout. Amen. Donc tu préfères, je préfère prendre le nom de Jésus. Bon, chacun peut prendre son nom. C'est ça que dit notre Dieu est grand. Vous préférez, vous prenez seulement le nom de Jésus. Oui. Moi, je prends le nom de Jésus. Tu me mélanges avec le feu. Vous avez dit qu'on a des problèmes. Je vous ai dit que c'est un conseil communiqué. Si on se mélangeait, vous commencez à poser question après question, on s'en sortira pas vrai? Quel est le problème maintenant? Le problème qui se trouve ici, écoutez, voici notre frère a un problème, mais peut-être il n'est pas au courant, mais tôt ou tard il va savoir le problème qui se trouve. C'est ce problème-ci qui a conduit l'église catholique où elle se trouve maintenant. Voici le problème qui a conduit l'église catholique et par conséquent toutes les dénominations. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, quand vous prenez les dîmes, par exemple, pour les pasteurs qui prennent les dîmes, n'est-ce pas? Les dîmes et les offrandes, comment on fait maintenant là? Vous regardez par exemple la Bible parle des offrandes, les dîmes. Par rapport aux agneaux, aux prémices de la terre, les fruits, les champs, le pasteur va dire qu'aujourd'hui, maintenant, je suis, il dit qu'aujourd'hui, ce fruit-là peut être remplacé par ton salaire. Vous suivez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Il dit que maintenant, tu vas donner les dîmes de ton salaire. Alors, ça ne se trouve pas dans la Bible comme ça. Il n'a pas de base, c'est-à-dire qu'il n'a pas des arguments bibliques pour dire qu'il peut lui-même décider de dire que désormais, la dîme doit se donner comme ça. Parce que si Dieu voulait le dire comme ça, il aurait dit comme ça. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je vais dire ceci. Ça veut dire que quand les gens entrent dans la Bible, avec ces catholiques qui ont commencé cela, vous voyez, ils disent par exemple que les écritures sont les traditions orales. Il y a les traditions orales, il y a dans le magistère. Par exemple, quand le pape, qui est le successeur de l'apôtre Pierre, quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire que dans la chair de l'apôtre Pierre, ça veut dire qu'il y a le moment où il est pape, où il marche comme ça là. Quand il parle sur la terre, il peut te saluer, il te dit par exemple que la conception in vitro n'est pas bon. Mais s'il parle en tant que souverain, en tant que l'apôtre Pierre, en tant que remplaçant Pierre, ce qu'il a dit là est infaillible. C'est-à-dire que ça ne peut pas changer. Et c'est, ça, c'est là où ça a conduit l'église à télé aujourd'hui. Où ils ont plusieurs doctrines. Un pape a dit ex cathedra, l'autre pape a dit une autre doctrine qui est ex cathedra, et personne ne peut changer cela. Parce que l'autre pape qui avait dit ex cathedra, c'est infaillible, il ne peut pas changer. L'autre pape a aussi dit ex cathedra, c'est infaillible, il ne peut pas changer. Les deux choses sont contraires. Donc ils ont fait ce qu'on appelle dans la parabole qu'ils ont attaché le bois, cherché le bois, ils ont attaché leurs propres pieds dessus. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc ils ont beaucoup de choses qu'ils ont dit comme ça qu'ils ne peuvent plus changer. Où est-ce qu'il veut en venir? Il veut en venir du fait que, comme les Écritures ont été transmises une fois pour toutes, ils ont ajouté des choses. Donc, l'Église catholique et au-delà, ils peuvent aller dans la Bible, prendre un verset seulement, puis sortir des commentaires, dire ce qu'ils ont à dire, dire ce qu'ils ont à dire. Ils peuvent dire effectivement que Marie est apparue dans les cieux en Simalène, apparue ici. Bien que l'Écriture dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Parce qu'ils croient à la tradition orale, aux révélations écrites extra-bibliques, même si ce n'est pas conforme à la Bible. Et par conséquent, ils ont ouvert toute voie à toute doctrine. Et à tout esprit impur, comme la Bible le dit par rapport à elle. La même chose, donc maintenant, toutes les dénominations qui sont issues d'elle font la même chose. Vous allez voir effectivement comment lui il a commencé sa part en disant que notre église est basée sur Matthieu chapitre 16, verset 18, que Jésus a dit que si tu es pied, sur ses pieds, bâtirai mon église. Chaque église sort maintenant. Tu as dit que tu étais où là, frère? Jesus City Mission. On a fait, vous en écrit un verset à côté. Le verset c'était quoi, frère? Par rapport à la vision. Celle-ci était à Mahanaïm. Si vous voulez prendre Mahanaïm, ils vont prendre Genèse chapitre 30 ou 32, où on dit que Jacob a dormi, il a rencontré l'ange. Il a dit que les anges, il dit que c'est le sens du camp de Dieu. En hébreu, Mahanaïm. Donc quelqu'un a consommé son église en disant Genèse, que maintenant c'est le camp des anges. Alors c'est comme ça que chaque dénomination sera basée, comme l'Église catholique l'a fait la première fois, parce que c'est elle qui est la première à prendre un verset biblique pour fonder son ministère. Vous voyez, n'est-ce pas? Oh, maintenant, vous regardez les apôtres, vous avez les apôtres, tous ont fonctionné, ils prêchaient et laissaient les gens dans la liberté du Saint-Esprit. Donc c'est ça que notre frère est victime comme ça. On pense qu'on peut aller dans la Bible prendre quelque chose. Oui, sa démonstration qu'il prend, c'est que, comme 1 Jean chapitre 5, verset 6 dit, c'est Jésus qui est venu, non seulement avec le sang, mais avec l'eau. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Dans certaines versions, vous avez certaines versions, il y a entre guillemets le verset 7 continue en disant que car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, l'Esprit et la parole. Et les trois sont un. D'accord? Donc, mon frère dit que, on a dit ici que Jésus est venu avec l'eau et le sang, c'est pourquoi j'utilise. Comme Jésus est venu avec, c'est pourquoi j'utilise. Il ne sait pas pourquoi, c'est qu'on a dit appeler sang, c'est qu'on a appelé l'eau, pourquoi il a dit pourquoi Jésus est venu avec. Vous voyez? Et l'Éphésiens chapitre 5 dit que cette eau-là, c'était pour sanctifier l'Église. Et cette eau-là, vous savez effectivement qu'il en a parlé de la parole. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Mais il dit qu'il utilise ça pour la prière. Maintenant, il dit qu'il est convaincu parce qu'il utilise, il prie avec cela, ça marche. Il ne sait pas exactement ce qu'il en est, c'est passé de l'autre côté. Bon, de toute façon, ici maintenant, c'est ce qu'on appelle donc l'expérience au-delà de la parole. Je vais prendre quatre personnes maintenant qui priaient Marie. Elle prie, il y a exaucement. Il dit, Marie, tu vois... Tout à l'heure, tu as parlé du prêtre catholique, par exemple, par rapport à la croix, non? Le prêtre catholique, vous voyez quelqu'un qui est allé chez le prêtre. Je crois qu'il y en a plein là. Il met la croix sur toi, il prie, ça chauffe. Juste, ça se met la fumée seulement à l'endroit. Voilà la croix physique. Tu vas dire que non, la croix était spirituelle, maintenant c'est spirituel. Mais lui, en train d'utiliser physique, ça marche. Ça marche, ça charge les démons. Tu as vu le prêtre catholique exorcisé, non? Hein, mon cher? C'est-à-dire qu'il met il approche même la croix comme ça. Tu entends, qu'est-ce que tu en dis? Il dit le prêtre catholique, il apporte la croix, il ne touche même pas. Il apporte la croix. Le feu sort de la croix là. Tu as vu ça, frère? Parce qu'il y a, je sais pas. Non, attends d'abord. Tu as suivi mon. Il dit ceci. Bon, il dit que quand le prêtre catholique approche la croix là, qui est physique, tu as dit tout à l'heure que tu ne crois pas à ça parce que c'est spirituel maintenant. Mais le fait que le prêtre approche la croix du malade dépossédé, la personne crie fort en disant que ça me brûle. Enlève ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il sait que. La croix, oui. Physique. Il a dit que moi je n'acceptais pas. Oui. Parce que c'est que la croix qu'il connaît est spirituelle. Bon, on a compris ta part. Que vous que oui. Quand une main s'abrite. Oui. Il sait que il y a même dans le camp. Oui. Du ténèbre. Oui. Il y a c'est par catégorie. Oui. Il y a les plus forts qui dominent les plus faibles. Voilà. Donc ça veut dire que le prêtre utilise cette croix là, ça brûle l'autre là-bas. Donc tu veux dire que le prêtre a utilisé un démon pour brûler un démon? C'est possible. C'est possible. Donc, est-ce que c'est possible, comme Dieu est grand, comme tu as dit tout à l'heure, que Dieu est tellement grand qu'il peut utiliser les choses extérieures, est-ce que c'est possible que ce soit Dieu qui a l'utilisé aussi ça? D'abord, le prêtre. Oui. Parce que quand il lit dans ma Bible, oui. La mission catholique, oui. Quand je lis beaucoup de choses, moi, je vois que les pratiques que la mission catholique est en train de faire. Il faut d'abord une pratique physique. Oui. Et la statuette qu'on appelle Marie, oui, c'est déjà d'office. Ça l'est, ça l'est, oui. Même s'il recite la Bible, comment cela est physique et ça attire beaucoup de gens, oui, dans l'erreur. Oui. Donc, moi, tout ce que les catholiques font, c'est négligeable. Bon, je trouve ça, c'est plus. J'ai dit ceci, le prêtre catholique, ça c'est la pratique qu'ils font dans l'église. Oui. Le prêtre catholique vient, il ne prie pas Marie. Il présente la croix, il dit que voici Jésus à la croix. Le démon fait, ça brûle, enlève, la lumière sort de là. C'est Dieu qui agit ou c'est pas Dieu? Parce que je suis ancré avec mon niveau. Quand je lis, je ne lis pas beaucoup, mais je lis un peu avec d'autres prédications. Oui. J'essaie de comprendre les trucs. Je sais que pendant que le Seigneur Jésus-Christ agit, oui, même le ténèbre agit. Oui. Le diable agit. Oui. Oui. Et la foi, parce qu'il y a aussi les Jésus. Parce que j'ai suivi beaucoup de prédications. Il y avait même plus. Chacun sort sa part de Jésus. Ça, c'est que ça devient compliqué. Et là, ça devient compliqué, n'est-ce pas? Là, n'importe qui peut utiliser le nom, parce que quand on aime dehors, tout le monde parle de Jésus. Voilà. Donc c'est fort, n'est-ce pas? Tout le monde parle de Jésus. Cette croix même qu'il utilise là, j'ai même dit que d'après ce qu'on voit physiquement, oui, c'est d'office éliminé. Donc si c'est physique, donc, alors même c'est... s'il vient avec la croix, oui, on sait que s'il ne dit même plus le nom de Jésus-Christ, oui, tout ce qu'ils font là, c'est même plus pour Jésus. Si le prêtre maintenant vient, il dit comment au nom de Jésus-Christ, le prêtre catholique, il dit que je te commande au nom de Jésus-Christ, sors! Après, le démon tombe. Après, il rentre, il passe et pose devant Marie, la septième Marie. Non, s'il si fait ça, peut-être chez une personne, oui, qu'ils se connaissent, une, oui, personne qui est réellement, il n'est pas de Dieu. Oui. Ça va se manifester. Oui. Oui. Bon, je pose, la question qu'ils se posent, c'est Dieu qui agit ou c'est pas Dieu? Dans ce qu'il fait. Oui. Je ne pense pas que ça peut être Dieu. Donc, je vais te mettre. Donc, le prêtre catholique, c'est Satan alors. C'est que Dieu, si réellement le Dieu qu'il connaît là est le Dieu de Jésus, qu'est-ce qu'il connaît? C'est que le prêtre ne sait pas ce Dieu. Et le pape, alors, si c'est le prêtre, alors le pape, alors? Le pape, le prêtre, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes dominations. Donc, ça veut dire que le pape qu'on voit bien propre, là, tranquille, simple, là, tu crois qu'il ne sait pas Dieu? Il sait Dieu, mais il n'est pas le Dieu qu'il connaît. C'est pas le Dieu que. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ mourir à la croix. Il sait donc que Dieu. Amen. Bonsoir. On va voir ce soir, arrêtons les distractions. Ouvrons la Bible dans le livre de Daniel chapitre 6. Arrêtons les distractions, c'est ce qu'on va voir maintenant. J'espère qu'on aura assez de temps pour pouvoir développer cela. Le livre du prophète Daniel, chapitre 6. Le Daniel, c'est après, vous avez Esaïe, après Ézéchiel, après vous avez Jérémie, après Lamentation, après vous avez Daniel. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Koura, comment tu t'appelles déjà? C'est Guy. Guy. Courage, mon frère, courage. Bienvenue. Aidez-le à trouver Daniel. Oh, papa Tani. Vous êtes à l'église évangile ensemble? Si. Je n'ai pas trouvé. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Merci pour votre patience. Ça montre que vous devez prier les uns les autres. Daniel chapitre 6. Je vais lire dans ce livre de Daniel, puis je vais prendre le sujet. Donc, il dit qu'on va parler de sujet arrêté. Prenez aussi le livre de Jean au chapitre 1. On va aller là-bas après cela. Bon, comme il n'y a pas le temps, je vais seulement citer ce qui se trouve partout dans la Bible. D'accord? Je vais vous en donner le passage dès que le moment viendra. S'il y a un obstacle contre lequel le chrétien a à se débattre à la fin de ses jours, c'est les moyens déployés par Satan pour nous distraire, afin que nous ne courons pas la ligne droite que le Seigneur a disposée pour nous. Satan a tellement développé les moyens de divertissement au point où les chrétiens s'en trouvent dedans enfermés, encerclés, sans s'en rendre compte qu'ils sont en train de courir la course avec Satan. Le plus grave, c'est que les chrétiens eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Donc plus Dieu nous fait comprendre effectivement que nous ne sommes pas sur cette terre pour faire les Jeux Olympiques terrestres, mais pour courir pour la course céleste. N'est-ce pas, frère? Daniel chapitre 6. Lisons. Je vais lire, d'accord? À partir du verset 1, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il y avait en lui un esprit supérieur. Il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et le roi pensait... on va revenir sur ces versets, c'est dans une autre prédication. Si il m'arrête là, maintenant, ça va m'entraîner. Donc, je crois qu'il faut qu'il coule le couloir de cette distraction-ci. Verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était souligné. Parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Souligné, ni faute, ni rien de mauvais. Vous parlez des serviteurs de Dieu au milieu des païens. La Bible déclare qu'on ne pouvait pas trouver quoi que ce soit à l'accuser. On ne trouvait rien en lui comme faute, rien en lui de mauvais. Verset 5 dit, « Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Vous y êtes, frère? Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlait ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. » Donc, on a essayé dans le bureau, regardez-moi attentivement. Daniel exerçait la fonction. On a essayé par les fautes pour voir si dans son travail, il travaille bien. On n'a pas pu trouver. Il faisait exactement ce qu'il devait faire. On a essayé par des fraudes pour voir si dans l'intégrité, il était fidèle. Donc on a dit, vous êtes dans le bureau, quelqu'un vient vous dire que j'ai ma fille que je veux qu'elle travaille. Voici l'argent, il pousse l'argent devant toi. Vous êtes seul à seul dans le bureau, vous ne savez pas d'où la personne sort. Vous ne savez pas où la personne va, qui a envoyé la personne. Vous dites qu'on est deux. Vous servez Dieu et vous entrez dans la corruption. Vous voyez pourquoi le chrétien normalement doit être des gens de haute moralité, n'est-ce pas? Mais c'est quand même désolant de voir dans les entreprises, vous voyez ce que les chrétiens font. Ceux qui disent chrétien, vous arrivez quelque part, on dit que c'est un chrétien ici. Tu le regardes, tu esquives parce que tu ne veux pas qu'on s'attribue, qu'on dit que tu es son frère. Parce que son comportement est répréhensible. Or, le Seigneur Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que là où les gens sont en train de faire n'importe quoi de mauvais, c'est nous qui devons montrer l'exemple. Et quand ça arrive dans des endroits comme ça, quand il y a des problèmes et qu'il y a des chrétiens parmi, ce sont les mondains qui disent que même toi, le chrétien, le mondain qui ne lit pas la Bible, dit même toi, le chrétien, parce que dans son esprit, c'est qu'il est dans l'esprit de l'erreur, c'est toi qui es dans l'esprit de la vérité. Et par conséquent, c'est le chrétien qui doit le dire. On ne vit pas comme ça, on ne doit pas comme ça. Tu peux bien dire ça au lieu de service. Les gens ne comprennent pas. Souvenez-vous de ceci. Leur chien ne comprend pas et ne veut pas obéir parce qu'il ne peut pas obéir en étant chez Satan. Mais le problème, c'est qu'ils ont le témoignage dans leur esprit que tu es vrai, que ce que tu dis est vrai. C'est pour ça que plus tard, tu fais une faute comme ça, on dit que même toi aussi veut dire que tu n'es pas dans notre camp. Que tu n'es pas censé faire comme nous. Le chrétien doit vivre dans l'intégrité. Doit vivre dans la fidélité. Vous me suivez? Hein, frère? C'est en ce sens-là que nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière du monde pour aller au niveau de l'Assemblée commencer à confesser que je suis la lumière du monde. Non, non, non, non, non, non. Le Seigneur Jésus a dit que la lumière, on ne garde pas la lumière sous le boiseau, on n'allume pas le boiseau. On met comme ça sur le chandelier, ça éclaire tous ceux qui entrent. C'est pas ça? Donc quand le Seigneur Jésus a mis ce flambeau-là en nous, quand nous allons dans le monde, nous devons éclairer le monde. Là où le monde est dans l'obscurité, on éclaire. Vous êtes dans un bureau, quelqu'un veut commettre la corruption, tu dis non, assieds-toi-ci. La corruption, c'est pas bien. Quand tu fais ça, ce n'est pas bon. Pas vrai, frère? On éclaire. Dis à ton voisin, sois intègre. Sois fidèle. D'accord? Maintenant, il y a une explication. Là où nous sommes en train d'aller là, il y a une explication du pourquoi vous avez intérêt à être fidèle. Vous avez intérêt. D'accord? Remarquez très bien que ces personnes, si ont tenté d'une façon ou d'une autre pour te garder la faim, ils n'ont pas pu. Ils ont dit que quoi? la faille doit être dans la parole de son Dieu, dans les lois de son Dieu. Et par conséquent, ils ont vu que dans la parole de son Dieu, on devait toujours prier, invoquer le seul Dieu. Ce n'est que le seul Dieu, le Dieu d'Israël qu'on doit invoquer. Alors ils ont dit que, ok, la personne qui peut retirer ce problème, c'est le roi. Ils sont entrés, la Bible déclare qu'ils sont entrés tumultueusement vers le roi. Il dit que nous sommes d'avis, tout le monde, les gouverneurs, les satrapes, tout le monde, les juges, sont d'avis. Quel est l'intérêt de l'être humain de faire un décret sur tout le pays à cause d'un seul être humain? Vous voyez ce que Satan peut faire, frère? Vous voyez ce que Satan peut faire? Il dit bien, ils sont allés pour qu'on signe un décret. Ah mon Dieu, vous pouvez savoir ce que Satan va faire sur cette terre-là. Donc une loi sort à cause d'une personne. C'est dans un pays ça. Vous suivez ça, frère? Donc partout où Nebuchadnezzar ou Darius, parce qu'il s'agit du roi Darius ici, où il domine dans partout. Il ne domine pas comme dans un petit territoire comme le Cameroun. Il domine au moins dans 8 pays différents. On sort un décret qui va être respecté dans tous ces pays-là. Je veux que vous saisissez l'ampleur de la méchanceté. Et lorsque Satan se lève pour faire chuter un enfant du Seigneur, ce qui peut être déployé comme énergie. Vous me suivez? Donc il fait aussi un décret que quiconque va élever une prière à un Dieu ou à un homme, quel que soit, dans l'espace de 30 jours, si ce n'est pas au roi, c'est-à-dire que si tu te mets à genoux pour prier, tu dis, roi Darius, j'envoie le feu, je prends le sang du roi Darius, je me couvre avec. C'est pas toi, d'accord, frère? Alors, s'il ne prie pas comme ça, il va être où? Jeté dans la fosse. Je veux qu'on médite là-dessus. Méditez le fait que un décret peut sortir dans un pays pour concerner seulement une catégorie de personnes. Les autres personnes qui vont essayer d'obéir là-bas n'ont rien à voir dans ce décret. Parce que quand les gens se font signer le décret, ils ne pensent pas à quelqu'un qui est loin à l'homme, ou bien en Consamba, ou bien à Edea. Tu vois cela? La cible, c'est cette personne qui se trouve à côté d'eux. On veut voir comment elle va se comporter. Que vous ne vous comportez pas, on vous jette dans la fosse au lion, ça ne leur donne pas satisfaction. C'est celui-ci le vrai. Dis à ton voisin, sois fidèle. Donc, la même façon comme le Seigneur Jésus-Christ nous observe nos agissements, de la même façon que Satan nous observe pour voir vraiment si nous allons avoir ses traits à lui. Si nous allons accepter ces choses à lui. Mais maintenant, quel est le vrai problème? Daniel ne se laissait pas distraire. Daniel ne se laissait pas distraire. Il n'entrait pas dans la distraction. Son travail ne le distrayait pas. Parce que la distraction nous éloigne de l'objectif, nous éloigne de la voix du Seigneur. Les distractions nous éloignent de la voix du Seigneur. Maintenant, suivons Daniel. Nous sommes au verset 7, dans la partie C. Maintenant, verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable. Mais c'est terrible. Selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Donc, comme quand le décret est déjà signé, on ne peut plus enlever. Et souvenez-vous, je veux que vous compreniez l'ampleur. C'est une seule personne qu'on a visée par un décret royal. C'est-à-dire que quand il signe, si par exemple il est à Yaoundé, quelqu'un se trouvant au fin fond d'un village du Cameroun, respecte le décret, ne comprenons pas pourquoi on dit qu'on ne prie plus. Mais ceux qui ont conçu l'intention de ce décret-là savent la cible. C'est pour ça que je vous ai dit que les lois qu'on a de voter là, il n'y a pas deux personnes sur la terre qu'on a de cibler, ce sont les chrétiens. Quand on vote pour accepter l'homosexualité, ce n'est pas pour le monde, parce que le monde, ils sont déjà dans la boue. Si quelqu'un quitte dans la boue pour entrer dans la boue, maintenant qu'on a mis l'eau chaude, il n'a pas changé. Il est dans la boue. C'est les chrétiens. On veut souiller notre être. Suivez, n'est-ce pas? C'est nous qu'on est en train de cibler. Quand on parle de mariage, parce qu'en fait, vous allez tourner. Regardez, il y a des différentes dénominations dans le monde entier qui sont en train d'accepter. Il y a bien ceux qui se disent pasteurs ordonnés, qui sont connus par l'État, qui essaient maintenant de prier pour le mariage d'une femme et d'une femme, d'un homme et d'un homme. Où est-ce qu'ils vont se passer? Ils vont prendre un seul verset, comme celui-là pris. Il dit, Dieu est amour. L'église doit être marchée par l'amour. Écoutez, dis à ton voisin, l'amour ne se compromet pas avec la vérité. L'amour marche en conformité avec la vérité. Donc vous voyez, les pasteurs, ils éloignent les autres parties de la Bible. Romains chapitre 1, vous voyez. Je vous ai dit aujourd'hui, Romains chapitre 1. Et la colère de Dieu, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui rendent la vérité captive. Donc ils connaissent la vérité, mais ils gardent la vérité là-bas, ils font comme s'ils ne voient pas. Or Dieu a dit dans ces Romains chapitre 1 là-bas que les hommes ont abandonné l'usage naturel des femmes. On parle de l'homosexualité. Ils se livrent dans les passions infâmes, pas vrai? Il dit que les gens là connaissent effectivement que Dieu réprouve ces choses-là. Non seulement ils l'admettent, mais ils approuvent ceux qui le font. Donc ils ne veulent pas condamner. Non, on ne juge personne. Qui est aussi un juge, on va faire comment? Laissons les homosexuels et on les a laissés dans l'église. Vous voyez? Donc la loi qu'on a votée pour les libéraliser, la loi dit d'abord que, un, lorsque quelqu'un se marie, il faut que l'officier de l'état civil signe. Ce n'est qu'après donc que le prêtre ou bien le pasteur a le droit de le faire. Et comme le prêtre et le pasteur se sont érigés en administrateurs pour le mariage, on va les obliger à célébrer le mariage homosexuel. Vous voyez là, on se trouve, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on est en train d'aller depuis? Tous les mois, laissons que les homosexuels, ils sont libres. Ce n'est pas eux le problème. C'est l'église qui est en train d'être ciblée. C'est l'église. La loi, si qu'on vote ici, ce n'est pas deux personnes. C'est Daniel qu'on est en train de cibler. Le test, on veut savoir si oui ou non on va tenir à la loi de son Dieu. Oui. On a regardé dans la Bible, on voit qu'au quartier, il vit bien. Il ne cherche pas de femmes. Il ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Il ne s'assemble pas avec telle personne. On ne le voit pas. On n'entend pas sa voix. Alors, qu'est-ce qu'il fait au juste? Les gens sont en train de le suivre. On dit, ah, la loi de son Dieu. Ok, on va te tester si oui ou non tu crois à la Bible. On va te tester si oui ou non tu crois à la Bible. Vous dites, non, je suis chrétien. Les chrétiens sont censés marcher à la lumière de la parole telle que c'est écrit. Si vous ne marchez pas ainsi, vous êtes indigne de vous appeler chrétien. Si vous n'êtes pas capable de tenir dans ce qui est écrit ici, vous ne vous êtes pas appelé chrétien, ce n'est pas vous. Alors Dieu ne vous connaît pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que comment pouvez-vous m'appeler vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Si on dit qu'on est du Seigneur Jésus-Christ, on doit faire ce qu'il a dit. Et il a dit à ses disciples quand il quittait, il a dit baptisez-les et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus, notre Seigneur, a dit que les disciples nous enseignent à observer. Donc on doit enseigner aux gens de marcher ce que Jésus a dit. C'est ça, frère? Donc si quelqu'un ne marche pas d'après elle, il n'est pas enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare que il a dit dans Saint Jean chapitre 14, verset 20 et 21, que celui qui m'aime garde mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Donc si tu n'aimes pas le Seigneur, si tu ne gardes pas les commandements, les paroles du Seigneur, et tu dis de ta bouche que j'aime le Seigneur, tu te trompes toi-même. Celui qui dit qu'il aime le Seigneur, il doit marcher comme il a déclaré. Pas vrai? Donc les chrétiens doivent être testés. Toutes les lois ici qui sont sur cette thèse, c'est contre les chrétiens. C'est contre les chrétiens. Toutes les lois qui se font dans le monde. Tout ce qu'on fait là-bas, le problème des impôts qu'on fait là-bas, c'est contre les chrétiens. Alors quand tu vas ouvrir ta petite structure, vous voyez, vous ouvrez une petite call box ou bien une petite boutique à côté. À l'heure où les impôts arrivent, vous voyez, on a desserré les boutiques là-bas. Tu fuis aussi, tu fermes ta porte, tu fuis. Le chrétien, le mondain fuit à côté, tu fuis de côté. Tu ne peux pas te cacher. Après, tu reviens, ça ne va pas, tu mens. Tu dis que j'étais au village, ma mère est morte, elle a pitié de moi. Après, tu sors 25 000 ou bien 5 000, tu donnes pour négocier, pour qu'on ouvre ton compte. Exactement comme un mondain a fait. Vous parlez de l'intégrité, frère. Est-ce que vous parlez de l'intégrité là? Donc, le mondain qui est à côté, on ferme sa boutique, il donne 5 000, on ouvre. Parce qu'on a dit clairement qu'aller sur le terrain, si quelqu'un n'est pas en règle, vous fermez sa boutique, vous scellez. Il vient payer les pénalités. C'est la norme, n'est-ce pas? On finit chez le mondain, donc on ouvre, on met là-bas. Madame, où est ton impôt? Je n'ai pas encore fait. Oui, pardon, non. On va fermer. L'autre dit qu'on va fermer, tu vas faire comment? J'ai 10 000. Tourne-toi, regarde quelqu'un. Regarde quelqu'un. Dis faux chrétien. Donc faisons attention. Remarquez très bien qu'il était fidèle. Il était fidèle. On a dit qu'on n'a pas trouvé de faute. On n'a pas trouvé de faute en lui. Et maintenant, souvenez-vous maintenant, vous allez un de ces jours pour aller évangéliser quelqu'un. Comme vous aimez évangéliser, vous allez dans le bureau du bureau, vous trouvez quelqu'un qui s'assoit. C'est la personne à qui tu as donné l'argent pour qu'il ne ferme pas la boutique. Tu peux lui parler de l'intégrité. Tu peux lui dire que la corruption n'est pas bon. Mm-hmm. C'est pour cela qu'on doit d'abord veiller sur soi-même avant de prêcher aux autres. C'est donc pour cela qu'on doit veiller sur soi-même avant de prêcher aux autres. Qu'est-ce que je vais dire? Les distractions que nous avons, que Satan développe et met au-devant de nous, fait le temps que nous soyons distraits de ces petites choses-là. Et vous vous trouvez à l'intérieur d'accomplir les choses que Dieu ne veut pas sans vous en rendre compte. Et vous trouvez cela normal. C'est ça le vrai problème. On trouve que c'est normal qu'on fasse telle ou telle chose. Maintenant, le cas de Daniel, suivant, je crois qu'il faut qu'on lise là rapidement avant d'en finir. Verset 9 dit, là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Yerushalayim. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Voici le défi donc des chrétiens. Le décret était écrit, non? Quiconque va transgresser à ce décret, on va le mettre où? J'arrive là maintenant. Pourquoi on a pris ici là? Alors, on dit que lorsque le décret était écrit, il a guetté comme ça. C'est lui qu'on a déciblé, non? Écoutez très attentivement, c'est lui qu'on a déciblé. Le décret vient de dire que tant que tu es prié encore ton Dieu, on te met dans la fosse au lion. Il a lu, il est rentré à la maison. Il a dit quoi? Il a dit ah à ce décret. Je pose donc la question. il y a des chrétiens raisonnés et philosophes maintenant. Que si un décret sort maintenant où il faut faire quelque chose et que c'est contraire à la Bible, c'est là où maintenant on va savoir que le chapitre 13 des Romains dit que toute personne soit soumise à toute autorité établie parmi les hommes. La question c'est, le chrétien s'il a peur des représailles parce qu'il ne tient pas ferme à son Dieu, parce qu'il n'est pas droit avec son Dieu. Toute personne qui connaît véritablement ce Dieu-là, quand tu dis n'importe quoi qui est contre ce Dieu-là pour qu'il puisse y marcher, il ne marchera pas. Même s'il faille qu'on coupe sa main. C'est le témoin des Écritures. Tous ceux qui connaissent Dieu, si vous voulez qu'ils mettent dans la compromission, ils ne marcheront jamais. Regardez l'apôtre Pierre et la Jean, lorsqu'on les a frappés dans entre 3 et chapitre 4. On les a chicotés jusqu'à mettre en prison. Il y a eu des gars qui sont rentrés en disant que merde, Jean, quand tu es fouetté, j'ai entendu comment tu as crié ici dehors. Il y a eu des gars qui étaient fiers d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. Mais les gens ici, on a ce mal-là. Si un policier entre là, on voit l'âme. C'est que quelqu'un va disparaître sur le tribunal. Il a dit que je venais et saluer ici. Là, je ne suis pas parmi, je ne suis pas dans l'église. C'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur. Il y a des gens que tu dis que tu parles de Jésus, on t'a. Il se tourne comme ça. Il dit que même Pierre avait résisté 3 fois. Donc, il ne connaît pas Jésus. Après, il va dire qu'il va aller régner. Jésus va le restaurer. Parce qu'on n'est pas ferme dans la foi. Je recommence encore. La cause de ceci, c'est qu'on se distrait trop au lieu de passer le temps dans l'intimité. Donc, nos distractions doivent être changées pour être dans le temps d'adoration et de communion. Les distractions. Vous voyez une femme s'assoit à la télévision. Elle met la télévision, elle met, vous appelez Nollywood, ou quelque chose de nigérian là. Il voit comme ça. Elle connaît quand il y a la deuxième partie. Elle connaît quand il y a la troisième partie. Elle s'assoit comme ça parce que quand elle est au marché, elle rentre. Tu dis, pourquoi tu es pressé comme ça là? Elle dit qu'il y a la deuxième partie de Satan, elle aime les femmes. Ou bien de ma belle-mère, elle méchante. Ou bien n'importe quoi. Elle court comme ça pour aller voir ma belle-mère, elle méchante. Et le frère l'a dit que jusqu'à venir mettre la division entre la belle-mère et le père, il est méchant, donc on connaît déjà ça. Elle vient s'asseoir comme ça là pendant 2 heures de temps pour se délecter des souillis hollywoodiens qu'on a transmis en Afrique. On dit, qu'est-ce que tu fais là, ma soeur? Je me distrais. Tu ne sais pas que là-bas, il peut avoir une éducation. Effectivement, c'est une éducation que les initiateurs sont en train de donner. Qu'est-ce qu'on est en train de t'inculquer? Qu'est-ce qu'on est en train de t'injecter? Qu'est-ce qu'on est en train de t'injecter? On est en train de souiller ton esprit. Et la Bible dit qu'on se soit sanctifié de toutes les souillures de la chair et de l'esprit. Qu'on soit sanctifié, qu'on soit nettoyé. Et qu'un chrétien est assis. Mais quand il va prendre sa Bible, il ne peut pas lire 45 minutes. Si je prêche une heure, on dit que le frère Junior dure trop. Mais quand Nollywood présente, quand le parti 1 finit, il faut que la partie 2 enchaîne. N'est-ce pas, frère? Nollywood ne dure pas trop. Et c'est la plus bonne chose là-bas. Donc, naturellement, les hommes aiment se distraire et se sentir bien dans leur peau. Mais ceux qui sont du royaume vont comprendre effectivement qu'il n'y a plus de temps, il faut vite faire. N'est-ce pas, frère? Alors, toute distraction donc doit disparaître du milieu des chrétiens. Toute distraction. Sans exception, toutes les distractions doivent disparaître. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle en anglais entertainment, tout ce qu'on a fait pour entretenir, parce que entertainment, ça veut dire pour vous entretenir. Entertainment, ça veut dire pour divertir. Et on divertit notre chair. Non. La Bible déclare qu'on ne doit pas se divertir de cette façon. La Bible déclare qu'on doit s'entretenir par des psaumes, par des cantiques, pas par des divertissements. Vous me suivez, frère? Ok. Maintenant, avançons ici, regardons. La Bible déclare donc que quand Daniel a vu le décret, il est rentré dans sa maison, il priait comme 3 fois par jour, avec sa fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Il priait toujours comme auparavant, donc il n'a pas changé. Donc, 3 fois par jour, Daniel priait. C'est le renseignement qu'on nous a donné. C'est le renseignement qu'on nous a donné, frère. Il priait en direction de Jérusalem parce que le prophète Salomon avait dit que lorsqu'ils vont pécher, ils sont en un autre pays. S'ils prient en direction de Jérusalem, que Dieu au-dessus, que Dieu exauce, pas vrai? Ils avaient péché. Ils étaient là-bas dans ce royaume-là en transporté. Le voilà en train de prier en direction de Jérusalem. Et la Bible déclare que 3 fois par jour, il priait. Quand le décret est sorti, il n'a pas changé le temps de prier. Alors je pose la question. Combien de fois prions-nous? Combien de fois prions-nous? Je veux que vous regardiez là. Autre responsabilité qu'avait Daniel dans ce royaume. Il était le troisième du royaume, pas vrai? Regardez là sa haute responsabilité qu'il avait à gérer dans le pays, dans tout le pays, tout le territoire, et sa constance dans la prière. Observez cela. Essayez de juger. Non, je souffre trop. Il faut qu'il sorte à 5 heures pour aller chercher le travail. Tu sors à 5 heures pour aller chercher le travail. Ok, tu as le travail. Maintenant, il faut qu'il parte. Non, notre travail est trop difficile. Il rentre à 19h. Quand il rentre là, il faut que je mange. Le temps des embouteillages, il arrive à 21h, il faut qu'il dorme. Dieu va comprendre qu'il est fatigué. L'homme a fait de la chair. Le travail, c'était pour l'homme de faire de l'esprit. Est-ce que le travail a commencé par toi? Ça a tout commencé par toi. Donc tu dois te conformer avec la parole. Dieu ne doit pas régler sa parole parce que tu as trouvé le travail où tu rentres à 20h. Jamais. Qui ici a un travail qui le dérange? Si votre travail vous dérange, dites-moi, je vais vous montrer ce qu'on va faire maintenant là-dedans. Si vous avez un travail qui dérange, on prie tout ce moment, on enlève. Dieu enlève comme ça ne te dérange plus. On ne veut pas parler, frère. Comment tu montes le doigt comme ça? Tu montes comme ça. Bon, parce que tout ce qui te dérange, c'est un obstacle, n'est-ce pas? On prie pour que Dieu enlève. Ok, dans la prochaine fois, viens témoigner ici que tu as fait ton travail, d'accord, frère? Hein? Ne fais pas comme ça. Après, tu me dis ici, comme l'autre avait dit que frère, on avait dit que. Quand Dieu, mais par jour, il travaille seulement 700. Donc, ne fais pas comme ça. Tu viens dire ici qu'on fait comme ça, là. D'accord, frère? Donc, votre travail vous dérange? Les frères et les sœurs sont devenus silencieux. Donc, vous dites seulement qu'ils continuent la prédication. Ils continuent leur prédication. Donc, ce sont les choses donc, là, qui nous dérangent, qui nous créent obstacle pour qu'on soit développé. Mais c'est quand même terrible. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe au juste. On est en 2016. On presque le Seigneur qui revient bientôt. Il y a des choses, des mystères de l'homme qu'on n'a même pas encore, qu'aucun de nous n'a même pas encore expérimenté. Un seul des mystères, pas vrai? Donc, depuis 2000, on a dit qu'il y a des choses qui sont disponibles pour nous. Personne n'a encore expérimenté. Je suis en train de venir et vous plaisir dans la distraction. Et vous plaisir dans la distraction. Ça doit s'arrêter. Tout le temps, quelqu'un dit, arrêtons la distraction. Arrêtons Nollywood. National Geographic. Science-fiction. Dora et Babouche. Mega Construction. Superfoot. Aerosport. News Behind News. Breaking News. Equinox. Même si c'est printemps même. Afrique Média, le débat panafricain. Vous faites 5 heures de temps, dites que oui, il a raison. Il faut que Paul Biya part. C'est toi qui l'as mis là-bas. Hein? Que les vieux, ils sont déjà trop au pouvoir. Donc ça veut dire que tu pars au ciel quand Dieu va rester là sur son trône. Tu vas dire que mais depuis le TNT, le type ne quitte pas ici. Si vous refusez un président ici parce qu'il est vieux, ça suppose que vous êtes un rebelle. Ça veut dire que quand tu seras en haut là-bas, tu vas dire que mais mon ami, depuis qu'on chante ici, depuis qu'on est ici en haut. On chante, le père ne bouge même pas de son trône. À ce rythme aussi, quelqu'un peut aspirer au trône là. Alléluia. Dieu ne partage pas son trône avec personne. Là-bas, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection trônale là-bas. Il ne partage pas, il ne partagera jamais. On sera devant lui comme ça, jour et nuit, s'il y a jour là-bas, s'il y a nuit. D'éternité à d'éternité. C'est parce que tu as les membres, tes membres qui sont fatigués, que tu crois peut-être qu'il y aura la fatigue là-bas. Donc, vous voyez quelqu'un, parce qu'il a fait ses 38 ans, il a fait combien de temps? Vous voulez d'ailleurs qu'il parte? C'est vous qui l'avez mis là-bas, que Afrique Média, le débat panafricain. Vous voilà à l'intérieur. On vous injecte l'esprit de rébellion. Ouais, il y a une preuve que les blancs ont fait tes choses. Tu regardes ça, tu commences à voir petit à petit la sémence de la haine commence à s'installer dans ton cœur que tu ne connais pas. Qu'est-ce que le blanc a à voir avec tout ça? Et la Bible nous enseigne que ce n'est pas contre les blancs que nous avons lutté, mais c'est contre les esprits qui sont derrière. Donc arrêtons la distraction. Vous voyez, au carrefour, le chrétien met la main dans la peau, il discute sur Eto avec Zlatan Vlabomich ou Zébelabodich, qu'on appelle. Il discute jusqu'à dire que je t'ai dit que cette année, c'est le même côté. C'est M. qui sera ballon d'or. Non. Il touche combien 200 millions d'euros. Même côté, le chrétien. La Bible déclare qu'il ne s'assoit pas. Il dit que heureux sera donc qu'il ne s'assoit pas en compagnie d'un. Mais qu'il trouve son plaisir dans la. Notez Somme chapitre 1, donc que vous connaissez. Donc, le Somme André dit arrêtez la distraction, concentrez-vous avec le Dieu. Le Somme chapitre 1 veut dire arrêtez la distraction avec les amis et concentrez-vous dans la loi du Seigneur. On dit qu'il trouve son plaisir. Donc, quand il passe sa méditation, son temps dans la lecture de la loi et qu'il le médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau dont le frère ne s'est fait tout point. D'accord, mes chers? Voilà. Donc, il dit qu'on ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Les gens s'assoient, ils ricanent. Ah, les filles passent, on parle. Le président passe, il parle. Un riche passe, il parle. On commente l'actualité. Voilà le hobby maintenant des chrétiens. Au monde, c'est bon. Mais pour nous, ce n'est pas bon. D'accord, frère? La Bible déclare que les jours sont mauvais. Rachetez-le. Les jours sont mauvais. La Bible déclare que quand on s'attelle à affermir notre vocation et notre appel, c'est ce qui est écrit, frère. Arrêtons là. Arrêtons là. Les chrétiens, maintenant, vous avez quelqu'un s'assoit comme ça, son doigt. Si on coupait les pouces là, c'est que nous avons le problème. Il est comme ça. D'autres jours, le serpent, même sur le téléphone. Sur le téléphone, il est concentré. Ça, parce que tu lui dis bonsoir, il ne comprend pas. Il est sur le serpent. Boum. L'autre, maintenant, vous voyez les chrétiens dans le bureau. Je vais quelque part dans le bureau. Vous voyez qu'un chrétien s'assoit, une chrétienne s'assoit sur son bureau. Elle a le travail à faire. Tu entends, tu regardes sur l'écran, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de jouer. Il y a les boules, il y a Zoom. Et vous regardez ce qui est là-bas, c'est le crapaud, l'esprit du mensonge. On est en train de l'entraîner dans le mensonge. Elle ne comprend pas le mensonge. Elle fait quoi le mensonge? Je mens. Il a que des jouets. Il ne comprend pas. On crée les jeux. Ils sont à l'intérieur. Donc le cœur, il se distrait. Qu'est-ce que tu fais? Non, ils sont aimés distraire. On a des problèmes avec Dieu. Mais peut-être jusqu'à ce que vous allez au niveau où vous comprenez que c'est un problème, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il faut que vous compreniez que les distractions, c'est un obstacle pour votre avancement vers le Seigneur. Distraction. Je ne vais pas nommer les distractions. Les distractions. Tout ce qui ne contribue pas à ta vie de piété, c'est une distraction. Tout. Tout ce qui ne contribue pas à la vie de piété, c'est une distraction. Je n'ai pas dit que le travail est un obstacle. Parce que Daniel montre clairement que Daniel travaillait. Mais c'est si il avait fait la part des choses entre son travail et la prière. Et il n'y a pas de compromis là-dessus. En son lieu de servir, il savait que comme serviteur de Dieu, il doit servir comme s'il servait Dieu. Et par conséquent, il fallait qu'il soit droit, fidèle, irréprochable et intègre. De l'autre côté, sa vie spirituelle, il devait être constant avec son Dieu, dans la fidélité avec son Dieu. Pas vrai? Donc, il faut faire la part des choses avec cela. Donc, ça ne veut pas dire que vous quittez votre travail pour aller rester là-bas. Mais maintenant, vous aurez un problème si vous avez trois travaux. Vous dites que quand il sera 22h, il va faire pour joindre les deux bouts. Vous avez ce qu'on appelle la cupidité sur le cœur. Cupidité. Verset 11. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Vous avez remarqué donc que ce monsieur-ci, ce groupe de gens s'il le suivait, parce qu'on a dit que c'était dans la maison de Daniel qu'il est entré. Donc Daniel est rentré chez lui pour faire, les gens sont entrés subitement chez lui pour. Donc pour dire qu'on nous surveille. Les mondains suivaient notre état de vie. Vos voisins suivaient vos marches avec le Seigneur, comme vous dites là, sans que vous ne soyez au courant. On dit que ces gens-là sont entrés chez lui. Donc on connaissait ses différentes heures de prière. On connaissait comment il faisait souvent. En fait, ce sont ses collègues, donc ils connaissaient. Ils sont entrés tumultueusement. C'est là qu'il allait dormir. Si on commence maintenant que toi, frère, tu as fait telle ou telle chose par les prophéties, on commence comme ça là, elle va se lever là. Là, elle ne dormira pas. Ok. Voici la parole là maintenant. Maintenant, verset 12. Puis, il s'est présenté devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière trois fois le jour. Vous avez vu? Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Remarquez très bien, le roi n'était pas irrité contre Daniel. Il était affligé. Il voyait effectivement que quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est respectueux vis-à-vis de lui, vient de tomber dans le roi. Il venait de comprendre que en fait, c'est lui qui était visé. Donc, il a compris que ses collaborateurs en voulaient à Daniel. Me suivez, frère. Ici, c'est un roi païen qui cherche à défendre quelqu'un qui sait Dieu parce qu'il connaît son intégrité. Même ceux qui sont au pouvoir, quand ils cherchent des gens pour nommer dans des postes stratégiques, ils cherchent des gens intègres, pas vrai, frère? Donc, même les mondains veulent la paix. Même les mondains veulent les choses du bien. Mais le problème, c'est que ne connaissant pas véritablement où vient la vraie source du bien, c'est pour cela qu'ils se délectent avec les distractions pour essayer de se ressentir. Alors, vous voyez quelqu'un dire que je noie mes soucis dans la bière. Oh, le Seigneur Jésus a dit que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui décharge sa part que dans la bière. L'autre dit que je fume la cigarette comme ça parce qu'il veut calmer mes nerfs. Donc ses nerfs sont tendus parce qu'il garde ses soucis en lui. C'est comme ça que le monde fait pour se satisfaire. Mais le chrétien ne se repose pas sur quelqu'un, ni sur lui-même, ni sur un objet, mais se remet entièrement au Seigneur Jésus. C'est pour cela que vous voyez qu'un chrétien ne peut pas avoir de crise cardiaque, des choses, des ruptures, des infarctus telles qu'on voit chez le monde. Non. Ça ne peut pas arriver aux chrétiens. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, il a ça, c'est le souci que l'on tue. Donc il n'a pas déjà le souci sur le Seigneur. Vous me suivez? Gardez seulement les gens dans votre cœur. En fait, quand vous péchez, vous savez effectivement que quelque chose ne va pas dans votre cœur, non? Regardez comment vous ressentez dans votre cœur. Vous sentez que vous êtes mal à l'aise. Et maintenant, imagine donc que quelqu'un comme ça a 800 personnes dans son cœur. Il te regarde comme ça, il dit que quand il fréquentait, ta mère m'avait menacé. Il a gardé. Il a gardé sa mère, gardé toute la génération. Alors que le chrétien est libre. Pas vrai? Libre. Avançons ici. Verset 15. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dit, sache ô roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Donc on a de lui répondre que même toi là, tu ne peux absolument Et le roi est là, il cherche comment il va faire pour pouvoir sauver Daniel et le délivrer de leurs mains. Verset 16. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, c'est là où on va s'arrêter tout à l'heure. Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Ok. Ma question à nous tous maintenant. Suivez attention, je veux toute votre attention. Ma question maintenant à nous tous en tant que chrétiens. La façon dont nous servons Dieu, avec toutes ces distractions dont nous collons à nous, et dont les distractions ont même pris la place de Dieu dans nos vies sans que nous ne nous en rendons pas compte. Si nous sommes dans des difficultés, le Dieu que nous disons, que nous servons, peut-il nous délivrer à cause de notre intégrité? Je veux que nous méditons là-dessus, c'est pour ça que je suis allé là-bas. Donc le roi a vu que, imaginez le roi, celui qui coiffe le pays, a mis son anneau sur un décret. On lui a rappelé que comme tu as mis ton anneau, ça doit seulement s'exécuter. Alors ici, personne ne peut arrêter, même pas le roi, parce que le roi n'a plus le pouvoir pour dire, je déchisse là. Parce que d'après eux, la roi de, le loi des maîtres et des pères, c'est irrévocable. Donc quand on a signé, on a signé. S'il a dit qu'on va couper ta tête, il n'y a plus personne de faire. Personne ne peut plus racheter. Le roi a compris que si Daniel a pu désobéir au décret, alors qu'il sait exactement quelle est la peine qu'on encourt pour ne pas suivre ce décret, s'il a confiance à sa personne en qui il prie, c'est que c'est seulement la personne qui peut le délivrer. Il dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. Vous avez vu le mot? Que tu sers avec persévérance. Il veut dire, je t'en remets entre les mains de ton Dieu que tu sers. Je ne peux rien faire pour toi, puisse-tu te délivrer. Alors la suite de l'histoire dit quoi? Le Dieu là l'a délivré. Je pose la question. Le Dieu là l'a-t-il délivré? Pourquoi? Parce qu'il était dans le vrai. Oui. Il était intègre. Fidèle. Persévérant. Je pose la question. C'est notre caractéristique aujourd'hui. Alors je pose la question. Là où nous sommes maintenant, si une difficulté vient à nous, devant nous là maintenant, bam! Est-ce que nous pouvons tenir à Dieu? Il n'y a qu'à voir les chrétiens et les femmes qui cherchent l'enfant aujourd'hui, qui se trouvent en milieu chrétien. Parce qu'il a prié une fois, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait? Insémination artificielle. Confection, vous appelez fécondation in vitro. Qu'est-ce qui manque? Ça manque qu'on ne tient pas assez Dieu là, parce qu'on croit que Dieu ne peut pas encore faire maintenant. L'impatience. Vous voyez là, on se retrouve. Remarquez donc cette femme Anne là dans un Samuel chapitre 1 et 2. Elle est allée une fois à Silo, deux fois, trois fois. Un de ces jours, elle est partie, ça a marché, pas vrai? Qu'est-ce qui lui a montré? La persistance dans la prière. Parce qu'elle savait qu'elle se tournait seulement vers le Seigneur pour obtenir son enfant. Vous voyez? Elle n'a pas dit, ok, comme il n'y a pas l'enfant maintenant, moi je cours maintenant pour aller quelque part chez un marabout. Ou aller chercher chez un autre homme. Et peut-être pas aller tester là-bas comme les gens quittent de lieu en lieu pour chercher d'enfants alors que c'est Dieu qui doit donner l'enfant. Vous me suivez, frère? Alors ma question maintenant ce soir, c'est ceci. Daniel, parce qu'il servait Dieu dans la fidélité, dans l'intégrité, dans la persévérance, et il était fidèle avec Dieu, et dans le travail, il était honnête. Donc, dans son intimité, il connaît quel Dieu il servait. Les distractions que nous avons aujourd'hui avec nous, est-ce que nous pouvons dire véritablement que nous connaissons notre Dieu que nous servons? Quand il dit connaître notre Dieu, ce n'est pas avoir une intelligence ou bien une connaissance intellectuelle vis-à-vis de lui que Dieu est sauveur. Il a envoyé son fils Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit, ça c'est l'intelligence. Je veux dire, cette relation-là qui nous pousse à avoir une intimité avec lui, où on désire véritablement sa présence, où on désire que lorsqu'on quitte sa présence, on est quelque part, on est mal à l'aise. Lorsqu'on fait des choses qui sont mauvaises quelque part, non, on se retire rapidement pour être dans sa présence. Alors dans ces cas, si nous avons la distraction, nous nous assoyons, nous voyons la télévision 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça montre clairement qu'il n'y a pas de communion. Parce que si vous avez la communion, vous saurez que c'est la souillure de l'esprit. Vous saurez que c'est la souillure de l'esprit, ça. Et vous passerez le temps dans l'intimité. On dit, dans ce psaume chapitre 1, il dit, heureux celui-là qui ne soit pas accompagné de moqueurs, qui ne se marche pas avec les méchants, mais qui trouve son plaisir. Vous avez vu le mot ça, frère? Qui trouve son plaisir dans la. Dans la Coupe du Monde. Hein? Dans le jeu de l'un. Mais dans les courses de relais. Hein? Dans les petits goals. C'est ça? Dans la natation. Dans les courses à chevaux. C'est ça? Dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans. Le plaisir se trouve à l'intérieur. Le prophète David dit qu'il sert sa parole dans son cœur de peur de pécher contre elle. Le chrétien d'aujourd'hui dit que non, il dépose la parole de côté. Il sert le cinéma dans son cœur pour pouvoir vivre comme il se doit sur la terre. Faisons attention à la distraction. Alors je recommence encore, chrétien. Est-ce que nous sommes aujourd'hui capables d'avoir une difficulté devant nous? le Dieu que nous produisons, que nous servons, intervient. Oui. Si tel n'est pas le cas, vous avez des distractions qui vous ont obscurci la voie du Seigneur. Éliminons les distractions. Convertissons le temps de distraction, le moment de distraction avec la méditation avec le Seigneur. Persévérons-y. Quand le moment va venir, ne croyez pas que c'est quand vous aurez des difficultés, vous allez dire, Seigneur, Seigneur, il ne viendra pas comme ça. Il ne fait pas cela. Il a dit qu'à celui qui est pur, il agit selon la purité. Si quelqu'un est pervers, il agit selon sa perversité. Ne croyez pas que vous allez vivre dans la perversité. Quand on va dire, Seigneur, Seigneur, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Faites attention. Faites attention. Il y aura des moments où vous voulez la manifestation de Dieu. Il faut que Dieu vous délivre là. Qui vous sauve là, qui manifeste sa puissance, là vous appellerez, il ne viendra pas. Parce qu'il a dit dans Proverbe chapitre 1, puisque j'appelle, vous résistez. Puisque j'appelle, personne ne veut écouter. Lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai quand vous appellerez. Vous m'appellerez, je ne répondrai pas. Il a dit ça. Vous entendez ça, frère? Donc, mettons notre vie en règle. Tronquons ou changeons radicalement. Les distractions, ce n'est pas pour les chrétiens. Vous pouvez donc dire que je suis radical, que je suis quoi, comme vous pouvez le dire, mais c'est la voix du Seigneur. Il a dit qu'il trouve son plaisir. Si vous trouvez votre plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il la médite jour et nuit, vous n'aurez pas de temps pour la distraction. Vous n'aurez pas de temps pour la distraction. Jour et nuit. Daniel était au travail, 3 fois par jour, il priait. Vous pensez qu'il avait le temps? Peut-être que quand vous rentrez dans cette époque-là, vous pensez qu'il n'y avait pas de jeu. Il y avait le jeu. L'apôtre Paul a dit que ceux qui courent dans les stades, il y avait les courses. Les jeux de l'Olympique n'ont pas commencé autant les apôtres, c'est commencé depuis. Et Olympe, c'est un dieu. Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà les chrétiens qui sont dedans. Les jeux olympiques, le jeu pour féliciter le dieu Olympe. Ils sont pleins là-dedans. On dit coupe du monde. La Bible dit que vous n'êtes pas du monde. Les gens chrétiens sont dedans dans la coupe du. Ah, comment on va faire? Je veux que vous compreniez donc ce Dieu, le Dieu de la Bible, ce soir en disant que si vous passez votre temps dans la méditation, dans votre distraction, quand vous aurez le problème, invoquez le Dieu de la distraction qui vous sauve. Maintenant, vous avez l'opportunité d'invoquer le Dieu du ciel pour que vous sauve de la distraction d'abord. Afin que vous entriez dans son sentier pour contempler que. Une 1000 ans passés dans sa présence, vous n'aurez plus de distraction quelque part, vous n'aurez plus le désir normalement de vous distraire quelque part. Contemplez la manifestation de notre roi. Contemplez la manifestation de notre Dieu. Il désire communiquer à nos cœurs. Mais trop de voix, trop de distractions. Et alors maintenant, quand on se met en prière, on entend plusieurs autres voix qui sont les conséquences de ce que nous avons engagé. Plusieurs autres voix. Vous asseyez là, vous entendez tun, tun, tun. C'est quoi? La musique de Jacques Boy qui revient. 24 chronos, c'est dans le cœur. Tu entends kum kum, c'est à l'intérieur de toi. Pourquoi? On a eu le temps d'assimiler. On ne peut pas rester comme ça, vous entendez le Saint-Esprit vous dire, lève-toi, prie pour ton frère. On n'entend pas ça. Le cauchemar qui dit, ah, c'est quoi? On voulait jamais m'enterrer. C'est ce qu'on a là-bas. Pourquoi? Tu as vu le film des zombies. Comment tu ne dois pas rêver les cauchemars? Et tous ces films-là, ce sont des initiations à la sorcellerie. Dont les sorciers ont resté, écrit les scénarios pour nous enseigner. Frère, quittons la voie de la distraction. Quittons la voie de la distraction. Lisons le deuxième passage qui est donné aujourd'hui, Jean. Et on arrête là. Que Dieu vous bénisse vraiment. Jean chapitre 1. Arrêtons les distractions. Arrêtons avec les distractions. On n'a plus de temps. Nous sommes au dernier jour. Le dernier jour des derniers jours. Nous sommes là dedans. Nous sommes à la fin des derniers jours. Nous sommes à la fin des derniers jours. Nous sommes à la fin des derniers jours. Maintenant, comme nous sommes à la fin, la Bible déclare qu'on soit sage et sobre pour vaquer à la prière. Ne croyez pas qu'on va mettre la main sur vous, imposer la main, prier pour que vous soyez fortifié dans le Seigneur. Non. Votre fortification va venir de votre édification, votre contact personnel dans la communion avec le Seigneur. Plus vous connaîtrez votre Seigneur, comme dans le livre de Daniel, chapitre 11, on dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si vous ne connaissez pas Dieu, on ne peut pas agir avec fermeté. Daniel connaissait son Dieu. C'est pour ça qu'il savait que même si les gens font n'importe comment, Dieu est capable de me délivrer. Il connaissait Dieu. Alors la question c'est, est-ce que nous connaissons Dieu dans son intimité ou bien nous le connaissons de façon intellectuelle? La connaissance intellectuelle de Dieu ne te délivrera pas de situation. La connaissance intellectuelle de Dieu peut te faire défendre ton idée avec un débat. Dans un débat. C'est uniquement à cela que ça peut te servir. C'est-à-dire que tu peux donner le pour et le contre et démontrer cela. Mais amener Dieu à agir sur la scène, il s'agit d'une intimité profonde avec lui, qu'il te connaisse et que tu le connaisses. Amen. Tu fais, frère? Alors, la connaissance livresque, la connaissance intellectuelle de Dieu ne nous aidera pas si nous ne le connaissons pas dans l'intimité. alors ce qui cache dans notre intimité, dans la grande majorité, donc, c'est la distraction. La distraction est un frein pour l'avancement de la vie chrétienne. C'est pour cela l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de vie chrétienne. Donc c'est livrer à la mondanité sans s'en rendre compte que c'est mauvais. On est en plein dans le monde, en vivant dans le monde, avec les mondains, comme les mondains, imitant les choses du monde, et en intégrant même les choses du monde au milieu de nous, sans regarder que les sanctifiés ne doivent pas vivre ainsi. Arrêtons cela. D'accord? Jean chapitre 1. Verset 35. Alors, comme vous avez commencé à partir du verset 25, je vais prendre du verset 35 et lire, et puis m'arrêter là. Dans ce livre, l'apôtre... Le prophète Jean témoigne du Seigneur Jésus qu'il a vu l'Esprit descendre sur lui. Il dit que c'est celui-là qui baptise le Saint-Esprit. Il a fait le témoignage du Seigneur Jésus. Maintenant, il y a deux de ses disciples qui va présenter que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui ôte le péché du monde. Allons rapidement, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Yeshua qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Vous y êtes? Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Et il suivit Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez leur dit-il, et voyez. Ils allaient et ils virent où il demeurait. Et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Frère, je pose la question. Le Seigneur Jésus-Christ peut témoigner comme ça de nous? Je nous pose la question. Le Seigneur peut-il témoigner comme ça? Hein, frère? Ne répondez pas. Enfin, la réponse montre clairement que c'est la réponse. Verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu feras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Nathanaël, la rencontre avec le Seigneur. Philippe vient appeler Nathanaël et lui dit, viens, nous avons vu celui de qui Moïse a écrit dans la loi, celui qu'on appelle le Messie, Jésus de Nazareth. Vous voyez? Écoutez très attentivement. Nathanaël dit quelque chose. Il dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Qu'est-ce que Nathanaël est en train de dire? Nathanaël veut dire, en réalité, les gens ne font que venir nous tromper. On est ce que vous appelez aujourd'hui les bonbons passent, pasteur. Est-ce qu'on peut aussi sortir quelque chose de là-bas? Remarquez très bien qu'il se trouve quelque part sous le figuier. Et le Seigneur qui le voit dit que c'est quelqu'un en qui il n'y a point de fraude. Donc c'est quelqu'un qui était dans l'intégrité et qui ne voulait pas de fraude ni le faux. Et il cherchait Dieu. Il n'était pas dans la distraction. Il avait quitté le groupe des compromis, le groupe des pharisiens, le groupe des sadducéens. Il ne voulait pas se conformer dans un groupe en croyant qu'on sert Dieu dans un groupe pour être conformiste. Non. Mais il était dans l'intimité avec Dieu. Mais regardez quand le Seigneur, ce même Seigneur, va rencontrer les pharisiens qui étaient là pour faire la loi et qui conduisaient le peuple. Il va dire pharisiens hypocrites. C'est pas ça, frère? Il dit que vous payez la dîme de la menthe et du cumin. Mais qu'est-ce qu'ils oublient dans la loi? Les choses les plus importantes. Mais voici quelqu'un qui n'est pas du groupe de pharisiens ni de docteurs qui se retrouvait, qui se retirait d'un côté pour chercher Dieu dans son cœur. Jésus dit que voilà, si quelqu'un dans lequel il n'y a point de fraude. Vous entendez ce témoignage, frère? Arrêtons la distraction. Cherchons Dieu dans l'intimité. Je disais donc que cette distraction-là est entrée en milieu religieux où on a des conseils maintenant, fait des choses comme ça, pour faire les oreilles, pour que nos oreilles plaisent avec les bruits. Pour qu'on passe le quotidien dans le bruit, dans la distraction. Les vraies intimités avec le Seigneur se passent dans le calme, le silence. Le silence et la méditation. Mais on nous a enseigné maintenant dans le frambissement beaucoup de bruit. Alors on appelle ça les églises réveillées. C'est-à-dire qu'on fait du bruit pour que tu tiens éveillé. Le réveil dont parle la Bible, c'est pas comme ça que tu te tiens comme ça. Là. Parce que l'apôtre Paul dit que soit que nous dormons, soit que nous veillons, nous sommes avec le Seigneur, pas vrai? Donc si tu dors comme ça, le Seigneur vient, tu dois partir. Si tu veux rester debout comme ça, que je vais voir quand il va venir. En détournant un temps pour gâter comme ça, il va disparaître. Parce que la Bible déclare que ça en un clin d'œil. D'accord? Ce n'est pas de faire. Quand on dit veiller, ça ne veut pas dire qu'on passe les nuits de prière. On passe en veille pour dire que Seigneur, on t'attend. Ce n'est pas ça. La façon dont on attend le Seigneur importe. On doit régler nos vies pour montrer que nous appartenons au peuple à un Dieu qui est saint. Nous devons vivre dans la sainteté. D'accord? La distraction nous souille d'esprit. Nous conduit vers les désirs de la chair, vers les plaisirs du monde et nous attache hors du Seigneur pour nous attirer dans ce monde-ci. C'est ce que les distractions ont pour but de faire. Voilà le but des distractions. Les distractions n'ont pas pour but de nous connecter à Dieu. Et la Bible donc nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc on se rend de ses trompes en disant que nous aimons Dieu alors que nous sommes dans les choses du monde. Le monde inspire ces distractions, nous sommes derrière. Arrêtons ça, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. La joie du ressuscité.